Bonsoir à tous, on va pouvoir commencer ce café Géo. Alors, vous connaissez sans doute un petit peu le principe des cafés, ça fait la quatrième ou la cinquième année qu'on en fait sur Tours. Donc, celui de ce soir est consacré à un sujet qui intéresse beaucoup les Tourangeaux parce que c'est celui des nuisances sonores qui peuvent être de tous ordres. À savoir les nuisances qui peuvent être produites par un certain nombre d'usages dans certains quartiers et puis qui peuvent concerner des habitants. Ça peut être la question de la base aérienne qui peut gêner au-delà du quartier des communes entières. Alors les cafés Géo, rapidement le principe, c'est une petite intervention de 10-15 minutes par intervenant. Et puis l'idée après, c'est surtout de faire une discussion la plus ouverte possible avec la salle. Alors pour ma part, je vais vous présenter un petit peu les différentes associations qui sont derrière ce Café Géo. Alors les Cafés Géo, à l'origine, c'est une initiative commune de l'Université Populaire de Tours, qui est une structure d'éducation populaire qui propose des conférences, des cafés gratuite, ouvert à un maximum de personnes sur des sujets qui font débat, qui font actualité. Et puis, Confluence, qui est l'association tourangelle des étudiants en géographie. Et cette année, l'année dernière, on a eu le plaisir d'avoir aussi Créville, qui est le centre de ressources électroniques sur les villes, qui est lié à l'Université de Tours, qui a rejoint un petit peu l'initiative. Et puis cette année, il y a l'association des doctorants du laboratoire CITER à Tours qui sont en général sociologues, géographes, qui travaillent aussi dans l'aménagement, l'anthropologie, etc. Et puis qui interviennent sur les questions liées à l'espace. Voilà. Donc, je vais laisser Thomas introduire le sujet pour les intervenants. Je vais vous relire le petit texte introductif de la soirée. Donc, nuisance sonore, que faire pour bien s'entendre? On oppose souvent au calme des champs le bruit de la ville. De jour comme de nuit, les activités des uns et des autres ne se font pas dans le silence. 2 Français sur 3 se déclarent dérangés chez eux par les nuisances sonores, et près d'1 sur 6 a même pensé à déménager selon une enquête réalisée en mai 2010 par la TNS Sofres à la demande du ministère de l'Environnement. Le bruit est à la fois un phénomène quantifiable par les décibels et subjectif, tant il peut être perçu de 1000 façons, selon l'attention portée, la provenance du bruit, les préférences personnelles et le moment de la journée. Du désagrément temporaire à la gêne constante, le rapport au bruit peut parfois virer au conflit entre les différents usagers de l'espace urbain. Comment concilier les multiples usages de la ville? Quelles formes de négociations sont permises au pays? Depuis la directive européenne de 2002 sur l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement, qui impose la réalisation de cartes du bruit aux agglomérations de plus de 250 000 habitants, se diffuse un zonage de la ville en fonction des niveaux de bruit. Les politiques publiques affichent aujourd'hui un objectif de gestion des niveaux de bruit et incontestablement, les associations d'habitants constituent des partenaires obligés pour les pouvoirs publics. Ce Café Géo est l'occasion de présenter la carte de bruit et de réunir des associations dont l'objet est de lutter contre différents types de bruit dans l'agglomération tourangelle. Donc ce soir avec nous pour parler du sujet, nous avons 4 intervenants. Donc Samir El-Shaïb, vous êtes doctorante en géographie et vous travaillez sur les mobilisations collectives liées au bruit dans l'agglomération tourangelle. Christine Blay, vous êtes présidente de la MLNAT, qui est Le mouvement de lutte contre les nuisances aériennes de Tours. Martine Boenec, vous êtes membre de l'association des habitants Plumeron Halles Résistance Victoire. Et Sophie Leblanc, vous êtes chargée d'opération à Tours Plus. Vous travaillez notamment sur la cartographie du bruit dans l'agglomération. Donc voilà, je vous laisse la parole. Okay. Donc c'est moi qui vais commencer. Merci de votre présence et je souhaiterais dans un premier temps poser les jalons du débat pour répondre à la question nuisance sonore, que faire pour bien s'entendre. Donc un nouvel environnement sonore a été façonné depuis un siècle par de nouveaux modes de vie, par l'évolution des pratiques sociales et économiques, comme la tertiarisation de la société par exemple, par une mécanisation, par l'urbanisation des franges urbaines, par aussi une densité accrue des réseaux de transport, la densité accrue des réseaux de transport, etc. Donc les bruits du passé ont alors pour beaucoup disparu. Donc des recherches sur les sonorités du Moyen-Âge ont conclu que les cités étaient bien plus bruyantes à l'époque, avec la cacophonie des animaux, les cris des chalands ou le bruit des carrioles. Et donc si on passe à l'échelle du siècle, à l'échelle de la journée, on peut remarquer que les bruits diurnes sont souvent bien, bien différents des bruits nocturnes. Donc il existe une dualité claire entre le jour et la nuit. Des différences sont aussi à remarquer en fonction des jours de la semaine. Le bruit dans le centre ancien de Tours est plus important à partir des jeudis soirs, par exemple, avec les soirées étudiantes. Autre différence à remarquer en fonction de la saison. Le nombre de vols est plus important lors de la belle saison et les départs en vacances peuvent être vécus comme une épreuve pour les riverains d'une autoroute très fréquentée, par exemple. Et donc, en dehors de ce clivage temporel du bruit, je peux évoquer aussi le bruit d'un point de vue géographique. Il existe une variation spatiale des bruits avec une intensification des bruits lorsqu'on passe de la campagne à la ville. Donc, le mariage entre la ville et les bruits étant très ancien. Donc, le son constitue alors un révélateur des transformations sociales et spatiales de nos sociétés. Donc, je souhaiterais évoquer la place du géographe dans l'analyse des bruits et vous donner une définition de la nuisance sonore par rapport à celle de bruit. Donc, à travers l'analyse des paysages, la géographie a longtemps privilégié un sens qui est celui de la vue. Et la géographie se tourne désormais vers un autre sens qui est celui de l'ouïe. Donc le bruit est une manifestation de la vie qui devient une nuisance, une pollution, une source de gêne lorsqu'il n'est pas désiré et lorsqu'il est vécu comme désagréable. Donc le bruit constitue donc pour les géographes une nouvelle manière de se saisir de la pollution après avoir commencé à se saisir de la pollution de l'air ou de l'eau et des risques encourus par ces différentes pollutions. Donc, je continue sur la définition du terme bruit. Donc, le bruit est à la fois un phénomène objectif, quantifiable, par les décibels. On va utiliser un sonomètre pour mesurer le niveau sonore. Et c'est aussi un phénomène subjectif, tant il peut être perçu de mille façons, selon la tension portée, la provenance du bruit, les préférences personnelles, le moment de la journée. Si c'est le jour ou la nuit, le bruit est vécu différemment, le degré d'isolation phonique, etc. Donc le bruit est considéré comme gênant dès lors qu'il porte atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition et son intensité. Alors en ce qui concerne les niveaux de bruit, j'aurais pu vous donner une échelle du bruit, mais on considère que le bruit est gênant à partir de 60 décibels, qu'il est nocif à partir de 85 décibels et dangereux dès 105 décibels. Donc le seuil de douleur du bruit va se situer autour de 120 décibels. Donc je peux vous proposer une définition de nuisance de Valérie Rozek, qui dit que par nuisance, il faut entendre tous les facteurs de la vie urbaine ou industrielle qui constituent une gêne, un préjudice, un danger pour la santé et l'environnement. Et au niveau individuel, la nuisance se présente comme une limitation du bien-être, la présence imaginaire ou réelle d'un risque, l'expérience vécue d'un inconfort. Donc, à part le bruit qui peut devenir nuisance individuel, le bruit devient nuisance sonore à partir d'un certain seuil qui est défini auparavant par la loi. En effet, une fois le bruit mesuré ou calculé et contrôlé par les autorités compétentes, le bruit devient nuisance lorsqu'il dépasse les seuils, les normes autorisées. Et donc, face à une multiplication des plaintes liées au bruit et à une demande sociale accrue de protection du cadre de vie, tout un arsenal législatif s'est petit à petit mis en place à partir des années 70. Donc il existe une multitude de dispositions législatives et réglementaires, en fonction des sources et des missions, comme le bruit routier, des législations spécifiques par source d'émission. Donc une législation spécifique pour le bruit routier, une législation spécifique pour le bruit ferroviaire, pour le bruit de voisinage, pour le bruit aérien. Et à ces législations, il faut aussi ajouter des décrets d'application et au niveau local des arrêtés préfectoraux et municipaux. Donc s'il fallait citer une loi, je citerai la loi cadre du 31 décembre 1992, dite loi bruit ou loi royale, qui a eu comme objet principal de regrouper l'ensemble des textes auparavant dispersés dans différents codes, comme les codes communaux, les codes de la construction, de l'habitation, le code civil, le code pénal, de l'environnement. Et donc cet éparpillement des textes perdure toujours malgré cette loi. Donc il faut comprendre que le plaignant doit jongler entre les différents textes, donc ce qui peut paraître très compliqué pour un citoyen lambda de s'y retrouver, de trouver les textes auxquels il peut faire appel. Je voudrais vous donner pour finir les effets, enfin vous citer les effets du bruit et les enjeux qu'il existe autour de la question du bruit. Donc, premier effet à faire remarquer, ce sont les effets sur la qualité de vie du citadin. Le bruit est considéré par les citadins comme la principale source de perturbation de la qualité de vie. Donc, face à une hausse des activités bruyantes, la sensibilité au bruit ne cesse d'augmenter. Je peux citer une étude du CREDOC qui date de 1989. Donc, le CREDOC, c'est le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, qui fait état de 43% de Français gênés par le bruit. En 2007, le baromètre santé-environnement indiquait que 50% des personnes interrogées se disaient incommodées par le bruit à leur domicile. Et aujourd'hui, ce sont 2 Français sur 3 que les nuisances sonores dérangent chez eux. Donc on voit l'augmentation de la sensibilité, l'augmentation de la sensibilité au bruit. Et c'est près d'un Français sur 6 qui a même pensé à déménager. Ces chiffres datent de août 2010. C'est une enquête qui a été demandée à la TNS Sofres par le ministère de l'Écologie. Donc 54% des Français interrogés citent les transports comme principale source de nuisances sonores. Et c'est la circulation automobile qui est la plus décriée par les Français. Ceci s'explique par l'omniprésence de la circulation automobile. Autre effet du bruit, ce sont les effets du bruit sur la santé. Le ministère de l'Environnement a établi une hiérarchie des effets du bruit sur l'homme en fonction d'un niveau sonore croissant. Donc ça commence par la gêne, ensuite la fatigue, les troubles psychopathologiques comme l'irritabilité, les troubles du sommeil, l'hypertension et enfin le déficit auditif. Donc, des études montrent aussi qu'il existe des effets sur la santé du bruit, d'autres effets que sur la santé, comme des effets sur la communication orale, sur l'apprentissage. Donc, le bruit peut être considéré comme un facteur de risque et pas de cause à effet en ce qui concerne les troubles cardiovasculaires. Dans un sens plus large, pour parler des effets du bruit, le bruit induit des coûts sociaux. Qu'est-ce que les coûts sociaux ? Donc, les coûts sociaux, ce sont des coûts qui ne sont pas supportés par les agents responsables du bruit, tels que les coûts médicaux, tels que les coûts d'insonorisation de logement ou les coûts d'une éventuelle dépréciation immobilière. En effet, hormis la taxe qui est imposée aux grandes infrastructures aéroportuaires, comme Orly ou Roissy, la lutte contre le bruit peine à appliquer le concept de pollueur-payeur. Et ainsi, le bruit est la seule nuisance dont la victime soit le pollueur. On parle alors de pollué-payeur. Autre effet à vous citer qui est important et que j'aimerais qu'on porte au débat, et un enjeu aussi autour du bruit, ce sont le bruit comme source d'inégalités écologiques ou environnementales. Donc il existe différents types d'inégalités écologiques, comme les inégalités d'exposition aux nuisances urbaines, comme le bruit ou la pollution de l'air, et des inégalités aussi d'exposition au risque, par exemple sanitaire, technologique, naturel. Donc tout le monde est concerné par les risques environnementaux, mais à des degrés différents. Et c'est cette différence d'exposition qui confère aux inégalités environnementales un caractère social. Donc la question cruciale est de savoir s'il existe une superposition entre les inégalités écologiques et les inégalités sociales. À partir de cet enjeu des inégalités environnementales, on peut dire qu'aujourd'hui, l'environnement peut être considéré comme un facteur de distinction sociale, un besoin et un levier très important d'attractivité sociale. Et donc, lorsque l'environnement sonore est hostile au bien-être de l'individu, la plainte ou la mobilisation au sein d'une association peut être le moyen d'exprimer la gêne ressentie, d'exprimer un mécontentement. Donc, autre effet du bruit, ça va être les plaintes ou les mobilisations pour lutter contre le bruit. Donc, le bruit peut devenir localement, déclencher des tensions et conflits à propos des usages d'un espace et être à la source de luttes entre les riverains et les gestionnaires d'une base militaire, de concessionnaires d'autoroutes, de gérants de bars et discothèques. On peut parler peut-être de conflits sonores qui a pour source une incompatibilité entre les différents usages d'un même espace, comme l'usage d'espaces de résidence, de fêtes, de production économique, de circulation ou de défense pour la base aérienne. Et donc, je souhaiterais porter à débat les questions, déjà répondre à la question de l'intitulé nuisances sonores, que faire pour bien s'entendre, quelles sont les solutions mises en place pour réduire le nombre de plaintes, quelles sont les actions mises en place par les pouvoirs publics. Déjà au niveau de Tours et au niveau des associations qui sont présentes ici, je sais que l'association Place Pumereau bénéficie d'un comité de suivi tous les mois qui va regrouper tous les représentants des habitants, les représentants des commerçants, des représentants des pouvoirs publics, enfin des élus locaux, des représentants de la préfecture, enfin plus ou moins on va dire, et c'est pareil pour le bruit des avions avec une commission consultative de l'environnement, mais qui ne se tient pas tous les mois malheureusement, au grand malheur de la présidente. Donc voilà, parler un petit peu des effets de la, des solutions mises en place localement pour lutter contre les nuisances sonores. Donc bien sûr, les intervenantes associatives vont évoquer les problèmes engendrés par le bruit des avions de l'aérodrome mixte de Tours Nord, qui regroupe la base militaire et l'aéroport international Tours-Val-de-Loire, qui constitue, au dire d'un élu local, la signature de l'agglomération. Waouh, je parie que c'est beau. Waouh, c'est beau. Deuxième type de bruit évoqué, puisque vous aussi, vous avez votre petit nom. Deuxième type de bruit évoqué est celui qui est lié à une concentration de bars et de discothèques dans le centre historique Tourangeau, qui est considéré aussi par un élu local que j'ai pu rencontrer comme la vitrine de la ville. Waouh, c'est le même. C'est le même, oui. Moi, je pense que c'est le même, comme ça. Or, il existe d'autres sources de nuisances sonores au sein de l'agglomération. Je pense au bruit routier, au bruit ferroviaire, au bruit aussi des installations industrielles, au bruit des activités sportives, de loisirs et de culture. Et pour représenter le bruit routier, insister sur la présence de Monsieur Gaha, qui est le président du Cidreté, du secteur T. Il nous expliquera peut-être les raisons de cette nomination. Et maintenant, je vais laisser la parole à Sophie Legland, qui est en charge de la carte stratégique du bruit dans l'agglomération Tourangelle, et qui va nous parler de la démarche de la cartographie, de la carte stratégique du bruit. Et l'ordinateur s'est mis en veille. Voilà. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis chargée de projets au sein de la communauté d'agglomération Tours Plus, Donc pour bien situer Tour Plus, donc c'est pas une association, c'est une collectivité locale, c'est un regroupement de communes qui inclut Tours. Et à ce jour, il y a 19 communes au total qui représentent la communauté d'agglomération de Tours Plus. Juste, je rebondis un petit peu sur la présentation d'avant, parce que j'ai l'échelle du bruit, justement, qui permettra d'illustrer que c'est l'avantage d'avoir un petit diaporama. Alors, c'est là en bas. Voilà, pour qu'on ait tout. Alors, c'était pas très visible, en fait, hein, finalement. Mais voilà, c'était expliqué, donc on considère que 35 décibels, c'est un niveau de bruit ambiant qui est recommandé par l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, pour un repos nocturne convenable. 85 ou 90 décibels, seuil de danger. Voilà, si vous souhaitez. Et puis, 135 voilà. Décibels ici, là, on a un jardin de calme. Ensuite, vous avez 85-90 décibels. Donc, ici, ça correspond à un tracteur insonorisé à l'intérieur, un tracteur, une moto, et puis à 120 décibels. Donc, seuil de douleur. Ce qui signifie qu'on peut déjà avoir des dégâts auditifs avant même d'avoir le seuil de douleur. Et on parle quand même d'un seuil de danger des 85. Voilà. Donc c'est pour donner un repère. Très visible. Voilà. Vous n'avez pas montré le bruit des lèvres ? Non, je le garde pour là. Alors, je vais essayer de vous présenter assez rapidement un projet qui est la carte de stratégique de bruit de l'agglomération de Tours, tout en sachant que c'est un projet que je ne pourrai vous présenter que dans sa démarche, puisqu'on a pris un petit peu de retard dans le calendrier du projet, et donc il n'est pas approuvé à ce jour, je ne pourrai pas vous communiquer les résultats. Toutefois, c'est quand même intéressant de connaître cette démarche, puisque tôt ou tard, elle sera mise à disposition du public, cette étude. Donc, vous pourrez aller consulter ces cartes une fois qu'elles seront élaborées, une fois qu'elles seront validées. Voilà. Et donc, l'objet, c'est plus de montrer un des champs sur lesquels un des acteurs publics peut intervenir dans le domaine du bruit, sachant que les cartes stratégiques du bruit, comme je vous l'ai expliqué, concernent, comme c'est indiqué là, le bruit des infrastructures de transport et de certaines industries. Donc déjà, c'était un champ limité. Et que sur tous les bruits de voisinage, ce qu'on appelle les bruits de voisinage de proximité, l'interlocuteur est la commune. Donc on parlait tout à l'heure d'une multiplicité d'acteurs. C'est déjà un petit peu l'illustration. Donc moi, je serais obligée de rester dans le champ qui me concerne, puisque je ne vais pas parler de ce qui ne me concerne pas. Alors, dans une première partie, je vais vous présenter déjà ce que c'est qu'une carte stratégique de bruit, pour bien comprendre tout ce que ça recouvre. Et puis, je vous donnerai quelques spécificités du projet qui est mis en place sur l'agglomération Tourangelle. Je vais essayer de tenir dans les 10 minutes, un quart d'heure, ça va être dur. Alors, comme ça a été évoqué en introduction, les cartes stratégiques de bruit sont issues en fait d'une réglementation, donc une obligation, pour un certain nombre d'agglomérations. Donc c'est issu d'une directive européenne qui date du 25 juin 2002 et de ces textes d'application en droit français que je vais vous passer, ils sont affichés. Donc c'est plus pour donner un petit peu les références. Donc les objectifs de ces cartes stratégiques de bruit, enfin les objectifs déjà de cette réglementation, de la directive européenne et de ces textes d'application, c'est d'une part d'évaluer l'exposition au bruit des populations à partir d'une méthode commune dans tous les pays européens. Donc, c'est-à-dire que toutes les agglomérations, les grandes agglomérations en Europe sont soumises à cette réglementation d'élaborer des cartes de bruit. Donc c'est vraiment la première partie qui est le diagnostic. Ensuite, c'est d'informer les populations sur ce niveau d'exposition et sur les effets du bruit sur la santé. Et c'est enfin de mettre en œuvre des politiques pour réduire ce niveau d'exposition et également préserver des zones de calme. Donc ça, c'est un volet qui est le plan de prévention du bruit dans l'environnement, c'est-à-dire un plan d'action pour réduire et prévenir les nuisances sonores, toujours sur les transports et certaines industries. Donc les cartes de bruit en particulier, c'est constituer une sorte de base de données sur l'exposition des populations en Europe, informer le public, servir à établir les plans d'action Et puis, il y a un autre objectif pour nous, décideurs locaux, au-delà de ces obligations purement réglementaires, c'est d'avoir un outil d'aide à la décision pour tout l'aménagement du territoire, donc la planification, les projets d'urbanisme, voilà, tout ce qui concerne l'aménagement du territoire. Outil d'aide à la décision qui n'existait pas jusqu'à maintenant en ce qui concerne le bruit. Alors, qui est concerné par l'élaboration de ces cartes? Il y a d'une part les grandes infrastructures pour les routes et les voies ferrées, donc au-delà d'un certain seuil de trafic. Dans ces cas-là, c'est au préfet en fait, de faire réaliser ces cartes. Et nous, en ce qui nous concerne au niveau de Tour Plus, ce sont les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Et donc là, c'est aux collectivités locales, donc en l'occurrence, soit la commune, soit le regroupement de communes, qui doit élaborer ces cartes. Alors, le champ des cartes de bruit est limité, puisqu'en fait, il prend en compte que certaines sources de bruit, en l'occurrence, ce sont les infrastructures routières, les infrastructures ferroviaires, les aéroports et les aérodromes civils, dans la réglementation, et donc certaines industries qui sont soumises à autorisation d'exploiter. Installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. Donc il y a, c'est une des premières limites de cet outil, c'est déjà le champ d'action, enfin le champ qui est restreint à certaines sources de bruit. Alors localement, il y a des enjeux assez forts par rapport à ces sources de bruit, hein, puisqu'on a quand même une autoroute qui traverse l'agglomération, on a le boulevard périphérique et la question de son extension, on est situé sur une étoile ferroviaire en ce qui concerne la voie ferrée, il y a le projet de première ligne de tramway, qui est donc considéré comme une infrastructure ferroviaire, le projet également de ligne grande vitesse Sud-Europe Atlantique, qui est une échéance plus lointaine, et puis la présence d'un aérodrome avec une activité civile, mais surtout une activité militaire très forte avec l'école de chasse. Donc ça, on aura l'occasion d'en avoir plus d'informations. Alors, pour essayer d'être un petit peu concret, qu'est-ce que vraiment une carte de bruit ? Ça recouvre des documents graphiques, donc quand on dit carte, on pense tout de suite effectivement à des cartes graphiques, donc de quatre types. Je vais vous donner des exemples après, puisque comme je ne peux pas vous montrer les cartes de l'agglomération, parce qu'elles ne sont pas terminées, il y a d'autres agglomérations en France qui ont déjà publié leurs cartes de bruit, et donc j'ai un certain nombre d'exemples pour vraiment illustrer que ce soit un petit peu concret. Voilà, c'est l'avantage d'avoir des images. Mais il n'y a pas que les cartes, il n'y a pas que les documents graphiques, il y a également des tableaux pour pouvoir justement estimer l'exposition de la population à différents niveaux de bruit, exposition de la population, mais aussi des établissements dits sensibles, qui sont les établissements de santé et d'éducation. Le but étant d'avoir un diagnostic. Donc ça rebondit un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les niveaux d'exposition et voir justement un petit peu les inégalités en termes d'exposition sur un territoire. Et puis il y a un résumé non technique pour expliquer en fait cette démarche. Donc sur les documents graphiques, il y a quatre types de cartes qui sont produits. Celles qui sont les plus parlantes, les plus visuelles, c'est les cartes de type A, qui montrent en fait les différents niveaux sonores pour une situation de référence, c'est-à-dire la situation actuelle, il y a quelques années. Voilà donc un exemple d'une carte de type A, donc les différentes courbes de niveau sonore. Donc on voit bien, il y a une échelle, un petit peu comme l'échelle de bruit qu'on a vue tout à l'heure, qui part de 50 décibels jusqu'à plus de 75 décibels en violet. Donc plus c'est rouge ou violet, plus c'est bruyant. Donc là, on est à l'échelle d'une communauté d'agglomération qui est Melun-Val-de-Seine, donc une vue d'ensemble, pour du bruit cumulé. C'est-à-dire toutes les sources que je vais citer cumulées. Ici, on est à une échelle de 1 10 millième, qui est l'échelle minimum à laquelle on doit établir ces cartes, sur Nice. Donc là, sur du bruit routier uniquement, puisqu'on est tenu de cartographier chaque source de bruit distinctement. Donc toutes ces cartes-là sont produites pour le bruit routier, le bruit ferroviaire, le bruit des avions, le bruit des industries, et on a choisi nous aussi de faire le bruit cumulé, ce qui n'est pas obligatoire. Voilà, donc même principe, on voit qu'il y a un niveau de détail quand même assez important. Donc en gris sont les bâtiments, tous les bâtiments, et les bâtiments sensibles sont normalement représentés en général en gris foncé. Donc là, on est sur un indicateur de bruit moyenné sur 24 heures, en fait. Je vais essayer de ne pas rentrer trop dans la technique. Là, on a un exemple de carte toujours de type A pour du bruit ferroviaire. Donc là, on est sur Aix-en-Provence, toujours au 10 millième, et sur 24 heures. Un exemple de carte pour du bruit, on ne voit pas grand-chose, en fait. Je ne me rends pas compte, mais... Ah oui, les couleurs ne passent pas bien, c'est un peu dommage parce que c'est un peu l'intérêt en fait. Bon, en fait, vous avez en fin de compte l'empreinte d'un aéroport, donc toujours à Aix-en-Provence. Le long de la piste, c'est rouge. Puis plus on s'éloigne, plus les couleurs sont dégradées. Sachant qu'après, c'est en fonction des trajectoires, c'est pas toujours aussi rectiligne, aussi symétrique. Voilà. Et ici, un exemple de carte pour le bruit industriel, donc toujours au 10 millième à Aix-en-Provence. Ouais. Les autres types de cartes, on a une carte dite de type B qui est en fait une carte qui existe déjà, puisque c'est ce qu'on appelle le classement sonore des voix, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, puisque c'est un document qui est annexé aux plans locaux d'urbanisme, anciennement les POS, pour l'occupation des sols, qui lui est un document opposable contrairement aux autres types de cartes. Donc nous, en tant que Tour Plus, en tant qu'agglomération, on ne refait pas ces cartes-là puisqu'en fait elles sont déjà faites par le préfet et elles sont approuvées par arrêté préfectoral déjà depuis 91, enfin à vérifier, ça c'était plus... Oui, là, c'est, voilà, ça c'est les cartes qui sont issues de la loi Bruit 92, donc effectivement ça date d'après. Elles sont consultables déjà, hein, ces cartes-là, sur le site internet de la préfecture. Donc ici, on a un exemple pour Tour Nord, du coup. Hein, donc les cartes sont classées en 5 catégories et il y a des restrictions d'urbanisme qui s'appliquent aux nouvelles constructions le long de ces voiries, en fonction des seuils de trafic. Ensuite, on a des cartes sont faites pour tout ce qui est dépassement des seuils et des valeurs limites réglementaires. Donc pour chaque source de bruit, la directive européenne définit des valeurs limites réglementaires. Donc par exemple pour ici le bruit routier, là on est dans un quartier de Nantes. Tout ce qui est en couleur, c'est les zones où la valeur limite de 68 décibels sur 24 heures est dépassée. Voilà. Hop là, je suis partie trop vite. Lui aussi, c'était ça. Alors, ensuite, il y a un quatrième type de cartes qui sont les cartes d'évolution, donc sur des gros projets d'infrastructure. Donc à Tours, ça va concerner le projet de tramway, la ligne LGV, et puis l'extension du périphérique. Donc là, j'avais pas d'exemple à montrer, mais bon, c'est des cartes où on voit une augmentation ou une diminution du niveau sonore moyen en fonction de ce que... projet qui est mis en place. Donc ces cartes-là seront produites également. Alors, là c'est un petit peu pour expliquer un peu bien préciser le champ et les limites de ces cartes de bruit. Il faut bien comprendre que ces cartes de bruit, c'est avant tout une modélisation basée sur des calculs acoustiques, donc à partir d'un certain nombre de données d'entrée. Donc il y a un petit schéma qui résume tout ça. Donc on a des données sur les routes, sur le trafic, sur les voies ferrées, sur les avions, sur la population, sur la topographie, donc tout ce qui peut influencer la propagation du bruit. Tout ça est rentré dans un modèle qui fait un certain nombre de calculs et qui nous sort donc les cartes et les tableaux d'exposition. Donc c'est une modélisation qui reste théorique. Ce n'est donc pas basé sur des mesures de terrain. Ça, c'est important de le comprendre. Alors, ça peut être... on pourra en discuter, hein, je ne vais pas faire le débat maintenant. C'est un outil qui évalue les niveaux sonores moyens sur deux périodes de référence. La période sur 24 heures, donc on va dire de jour, enfin de période globale, on devrait l'appeler, et une période nocturne. Donc, à chaque fois, on a les cartes pour ces deux périodes-là. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un document qui a une visée à donner une représentation globale à l'échelle macroscopique pour aider à prendre des décisions à l'échelle d'un territoire. Voilà. Et c'est un document avant tout d'information. Donc là, la suite, c'est un petit peu le pendant de ce que je viens de dire. Donc ce que ne sont pas les cartes de bruit, donc elles ne sont pas, je vais répéter, mais c'est important d'insister là-dessus, ne sont pas réalisés à partir de mesures de terrain. Par contre, on peut faire des mesures c'est pour vérifier la modélisation. Leur niveau de précision ne permet pas en fait de dimensionner des solutions techniques ou de traiter une plainte au niveau individuel. Même si on a une précision au 10 millième, l'objectif, encore une fois, c'est d'être à une échelle globale en fait, hein, d'aménagement du territoire et sur des ensembles en fait, sur des enjeux d'ensemble et pas individuels. Et enfin, je répète qu'elles ne sont pas opposables, mis à part le classement sonore des voies que l'on a pu voir tout à l'heure. Voilà, les autres limites, bon, j'en ai déjà un petit peu parlé, les seulement certaines sources de bruit, j'ai dépassé le temps, non ? Je sais pas. La méthodologie qui est employée conduit en général à des surestimations des niveaux sonores et de l'exposition de la population, hein, pour des raisons, je ne vais pas détailler, mais en tout cas, en général, on a des surestimations. Ce qui se vérifie dans les mesures qu'on a pu réaliser justement pour vérifier et confirmer la modélisation. C'est un premier référentiel en fait, qui est donc forcément approximatif puisque c'est la première carte qu'on réalise sur cette méthodologie-là. Comme elles ont vocation à être révisées tous les 5 ans, la deuxième fois elles seront déjà beaucoup plus affinées et actualisées. Là, c'est comme j'ai envie de dire un premier jet qui aura forcément aussi des erreurs dont on se rendra compte au fur et à mesure de la publication et qui seront réajustées ensuite. Voilà, alors un petit mot rapidement sur au niveau du projet, au niveau de l'agglomération Tourangelle qui nous intéresse ici quand même particulièrement. Donc par rapport au territoire d'études, Tourplus est donc soumis à cette obligation réglementaire sur son territoire, mais il y a aussi 10 autres communes qui sont concernées à titre individuel, qui ne font pas partie de Tourplus. Il y a donc un groupement de commandes qui a été fait pour pouvoir réaliser cette étude en fait tous ensemble sur un même territoire avec une même méthodologie. Il y a une commune en plus qui nous a rejoint, qui n'était pas soumise à l'obligation, qui est Chanceau-sur-Choisy, ce qui nous donne un territoire en fait composé de 25 communes qui est représenté ici. Bon, on ne voit pas grand-chose, mais bon, vous avez 25 communes donc de Tours, et puis on voit bien des communes réparties. Ça va jusqu'à Noiset à l'est, et Saint-Étienne-de-Chigny à l'ouest, Montbazon au sud, et Chanceau-sur-Choisy au nord, pour vous donner quelques repères. Donc, sur le projet de l'agglomération, comme je l'ai dit, il y a également une campagne de mesures de terrain qui a été réalisée sur toutes les sources étudiées. Nous avons intégré la base aérienne, donc l'aéroport, l'aérodrome en fait, à la démarche, sachant que comme c'est un aérodrome à la base militaire, il n'était pas soumis à cette obligation de faire une carte de bruit, si ce n'est qu'il y a déjà une carte de bruit qui existe pour cet aérodrome, donc peut-être que Madame Houlet en parlera tout à l'heure. Donc nous sommes contentés en fait de reprendre cette carte de bruit, de ne pas la refaire. Par contre, nous avons souhaité faire une campagne de mesures de terrain spécifique vraiment au problème du bruit aérien, parce que c'est un enjeu assez fort hein, sur le territoire, et donc qui viennent en complément là de la carte de bruit, puisque donc une des limites des cartes de bruit, comme je disais, c'est que c'est des moyennes, entre guillemets, c'est pas exactement des moyennes linéaires, mais c'est des moyennes, et ça ne rend pas compte, par exemple, des pics de bruit, de la fréquence d'émergence de ces bruits, ce qui est le cas pour le bruit des avions, en fait. Donc ça nous permet d'avoir deux approches différentes et complémentaires sur comme outil de diagnostic. Voilà. Et juste un dernier mot, donc en termes de calendrier, donc là l'étude arrive en cours d'achèvement, de finalisation. Il nous reste à approuver ces cartes de bruit par chaque autorité compétente, c'est-à-dire en ce qui nous concerne Tourplus. Il y aura ensuite une étape de publication et d'information de la population, à minima par des sites internet. Et puis enfin l'étape du plan d'action, donc le plan de prévention du bruit dans l'environnement, hein, qui sera élaboré en grande partie à partir de cet outil-là, mais pas uniquement, puisqu'on peut choisir aussi de découvrir d'autres sources de bruit dans ce plan de prévention. Voilà, ça ce sera pour l'année prochaine. Enfin, je ne vais pas trop présager des calendriers, mais voilà. En général, c'est environ un an après la sortie des cartes de vote. Voilà, donc j'ai terminé. Pour ma part, et je vous donne la parole à Christine Blé. Donc, je me présente Christine Blé, présidente du mouvement de lutte contre les nuisances aériennes de Tours. Alors, une association, hélas, très ancienne, puisque on aimerait bien qu'elle n'existe plus si on avait réussi enfin à avoir au moins un minimum de résultats. Ceci dit, en termes de résultats, comme toute association qui lutte par rapport au bruit, il est clair qu'on a à la fois, et ça a déjà été dit en introduction, on a des données qui sont à la fois subjectives et puis on a des données également objectives. Notre association existe depuis 1980. Alors vous imaginez, je ne suis pas la première, j'espère que j'aimerais bien être la dernière, mais c'est une association qui a à un moment donné été mise en sommeil, à croire que les avions ne l'ont pas empêché de dormir pendant un petit laps de temps. Et puis, comme toute association, nous avons évolué. Notre objectif principal était les nuisances aériennes, donc pas exclusivement centré sur le bruit, même si notre association, un de ses premiers... premières apparitions publiques a été quand même la création d'un colloque sur le bruit dans les années, je crois que c'était en 1980. Je n'y étais pas encore à cette époque-ci, mais on a encore un certain nombre de documents faisant référence. Alors le bruit. Le bruit, on a affaire là à un bruit qui n'est pas ordinaire. Le bruit des avions, on a parlé du bruit de voisinage. Il y a M. Ga du secteur T dans la salle qui lui s'occupait plus des poids lourds dans certains quartiers. Il y a peut-être ici des gens proches de la vallée de la Choisille hein, où il y a eu quand même, en termes de débat public, je pense qu'il est important de resituer, pour moi en tout cas en tant que présidente d'association, même si on est sur les nuisances aériennes, on connaît à la fois les interlocuteurs d'un point de vue public et à la fois les différentes associations qui œuvrent sur cette thématique de bruit, ce qui nous a amené à intervenir dans le débat public à plusieurs moments de notre existence associative, jusqu'à exister, jusqu'à faire partie d'une foire au ras-le-bol à un moment donné à Neuilly-le-Lierre. Et là, c'est sans vouloir aborder tout de suite le lien que nous avons parfois avec les élus ou les collectivités locales, ça montre bien à quel point un tel objet est difficile à faire avancer pour être reconnu, en tout cas pour faire reconnaître les nuisances. Alors les nuisances, la nuisance sonore, on vous a dit qu'elle était reconnue. C'est la nuisance publique numéro un. Elle est reconnue, elle est identifiée, reconnue par tous. Je crois que au moment où je vous parle, on peut le dire. Il y a une trentaine d'années, ou une vingtaine d'années, le débat public et la prise de conscience par les populations des nuisances sonores et des effets des nuisances sur la santé, sur l'environnement, n'étaient pas au niveau où on en est aujourd'hui. Enfin, je crois que ça faisait un peu référence quand vous partiez du Moyen-Âge où on avait beaucoup de bruit. Moi, je ne suis pas remontée si loin, mais il s'avère quand même que, en tout cas, dans le ressenti des gens, le bruit était aussi associé à une activité. Donc, à partir du moment où on avait une activité matérielle, c'était plutôt valorisé. On prend le bruit des voitures. L'essentiel, c'était de rouler. C'était un tel progrès que, même si ça faisait du bruit, ça passait outre. On est dans une autre ère. Et notre association, même si elle lutte depuis 1980, elle pose un problème, et notamment localement, qui est un problème de nuisance mixte. Alors, d'un côté, nuisance liée à un aéroport civil, où là, il existe bien des références des lois, une loi par rapport, plusieurs lois, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont empilées. Et ces lois, en l'occurrence, après, c'est comment, notre souci, c'est comment après vérifier et les faire appliquer. Et puis d'un autre côté, Tours, nous avons le privilège d'avoir une école de chasse. Alors, une école de chasse, il y a deux mots. Donc, il y a le mot école, ça veut dire qu'on a affaire à un public qui est en situation d'apprentissage, avec une nécessité d'avoir un certain nombre d'heures de vol pour pouvoir valider ensuite des diplômes. Donc, il y a des militaires qui sont formés. Et puis, dans chasse, ben, chasse, c'est le type d'avions qui vont être utilisés. Alors, il faut savoir que là, même si on a parlé de la loi, on a parlé de l'existant, de la progression, des enjeux qui étaient liés au bruit, notre souci à nous, et ça a été le plus grand, c'était d'amener ce débat-là dans le public, dans la mesure où, par rapport aux avions militaires, eh bien, les avions militaires ne sont pas soumis aux lois sur le bruit, ni sur l'air. Ce qui n'est pas sans poser de problème. Par ailleurs, là où on a une autre difficulté, c'est que, en ce qui concerne les nuisances aériennes militaires, dans l'inconscient collectif, on touche au militaire. Le militaire, c'est sacré. Alors, je ne veux pas faire de... Le débat n'est pas autour de est-ce qu'on doit avoir aviation militaire ou pas. C'est pas le lieu ici. Mais je pense qu'il est important... Quand vous notiez tout à l'heure que selon la nature du bruit, il y a des bruits qu'on va accepter ou tolérer selon ce qu'on vit à un moment donné, eh bien la nuisance, d'une école de chasse, et deux, le fait que ça soit pas soumis aux mêmes lois, peut engendrer aussi le fait qu'on ne le ressente pas de la même manière. Alors peut-être qu'il y en aura dans la salle qui auront des exemples, mais je pense que c'est important de le signaler, et c'est ce qui représente aussi une difficultés supplémentaires pour pouvoir apporter le rapport au bruit dans le débat public par rapport à une nuisance qui est militaire. Donc c'est le militaire, de toute façon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Il y en a bien besoin pour notre défense nationale, et puis on le voit bien encore. Donc je pense que c'est aussi une manière de poser, de voir comment on se situe aujourd'hui encore dans le débat public par rapport à cette nuisance très spécifique. Alors le bruit d'un avion, c'est pas ordinaire. Le bruit d'un avion, c'est soudain, c'est violent. C'est violent au point que ça peut faire peur à des enfants. Hein, on a des exemples. Quand il s'arrête, le bruit d'un avion, il a cette caractéristique qui fait que on a tendance à vouloir anticiper le bruit d'après. C'est-à-dire que le moment où un autre avion va décoller. Les effets, on a le stress, je vais quand même les reprendre de manière, mais succinctement, hein, on n'est pas là pour faire du technique, mais le stress, c'est quand on en attend un autre qui va arriver, qu'il y en a un autre qui arrive à nouveau, et puis que finalement il y a un grand blanc, et puis que de nouveau on en a un nouveau. On a des effets sur le système auditif, il y a des effets sur l'intelligibilité de la parole. Il y a des effets sur le système végétatif. Alors le système végétatif, un exemple, mon conjoint travaille parfois de nuit et il lui arrive de faire une sieste l'après-midi. Et il a la particularité aussi de faire de la course à pied. Donc il avait gardé sur lui une montre, certains connaissent peut-être ça, vous savez, c'est ce qui prend les rythmes cardiaques quand on court. Et il s'était endormi et il avait gardé cet appareil sur lui. Et il sait qu'il est en moyenne au repos entre 50 et 55 pulsations. Hein. On n'est pas dans les décibels. Hein. Et puis, au moment où est survenu un avion, ses pulsations sont soudainement montées à 70. Alors, il le sait parce qu'il s'est réveillé brutalement. Et il a regardé parce qu'il sentait que le cœur battait vite. Bon, ça, là, c'est un effet direct. Et c'est mesuré. Alors... Après, vous me croyez pas. Bon, je suis pas là pour raconter ma vie, mais il n'empêche que c'est un des exemples, et c'est le système végétatif est directement atteint par les nuisances sonores, quelles qu'elles soient. Et puis ça a des effets sur le sommeil également, c'est-à-dire qu'une personne au repos ne va pas le vivre de la même manière. Alors nous, en ce qui nous concerne, on avait fait un petit questionnaire, dont je le reprends, on n'en a pas fait d'autres depuis, il y a quelques années, mais on avait demandé aux habitants du quartier ce qui les gênait le plus. Si c'était la pollution de l'air, le bruit, le stress ou la peur d'un accident. Ce qui arrivait en tête, c'était le bruit, bien entendu. Donc là, on se cale complètement sur le national. Et puis, on leur demandait si c'était pas du tout ou un peu, ou alors beaucoup ou de façon intolérable. Et dans beaucoup ou de façon intolérable, le bruit arrivait en première position avec 91% des personnes qui ont répondu. La pollution de l'air arrivait en deuxième position. Le stress, l'énervement, l'agitation, la fatigue arrivaient en troisième position. Et le risque d'un accident arrivait en dernière position. On était allé un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on leur avait demandé: quelles sont les nuisances qui vous gênent le plus par rapport à l'emplacement de votre habitation? Et là, on avait cité trois nuisances, donc le bruit, le kérosène et le risque d'accident. Eh bien, le bruit, évidemment, là encore, donc, arrive toujours en première position, mais dans cette même question, on leur donnait trois possibilités de réponse: de midi à 14h, l'après-midi ou la nuit. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que dans cette étude, ce questionnaire, les gens nous ont répondu à 86%. Le moment où ça les gênait le plus, c'était de midi à 14h. Alors, une des explications, une des hypothèses d'analyse en ce qui nous concerne, midi 14h, c'est la pause... la pause déjeuner pour tout le monde en grande majorité. Midi 14h, c'est le moment où on se retrouve autour d'un repas. C'est aussi le moment pour certaines personnes de regarder la télé, d'écouter les informations. Et c'est une période où on a besoin peut-être de silence. Et là, on intervient vraiment la notion de gêne sonore qui est très subjective. Et paradoxalement, les gens se plaignaient un petit peu moins beaucoup moins pour l'après-midi, alors qu'on aurait pu croire avant de faire ce questionnaire que l'après-midi allait gêner énormément les habitants d'un quartier qui, par ailleurs, sont quand même fortement représentés dans la tranche d'âge de retraités, donc qui on pouvait imaginer qu'ils pouvaient faire la sieste ou autre, ou se promener. Eh bien non, c'est vraiment ce créneau de midi 14h qui a été cité. Le comportement social est également impacté par le bruit et puis amène des conflits. Alors moi, il y a quelque chose qui nous tient à cœur au niveau de notre association, c'est la gêne et l'impact de la gêne sur l'apprentissage scolaire et les effets qu'ils ont. Je tire ce petit passage qui est un rapport qui nous avait été remis en préfecture, qui s'intitule le rapport Burgère moyen. C'est un rapport qui avait été fait à un moment où le ministère de la Défense et le ministère de l'Environnement ont décidé dans un temps donné de travailler ensemble sur justement ces nuisances d'aéroports militaires. Ils mettent la performance en particulier dans les écoles. Plusieurs études ont été réalisées sur les effets du bruit des avions dans les écoles situées dans le voisinage de grands aéroports civils. Celui-ci provoque, parce qu'il fallait bien qu'il parte des études au niveau du civil, puisque le militaire n'avait encore jamais fait d'études, celui-ci provoque une perturbation de la communication orale, car les maîtres cessent de parler au moment du passage des avions, ou doivent élever fortement la voix, ce qui peut leur occasionner une fatigue vocale. Quant aux élèves, on observe chez eux une distraction plus grande, une moins bonne discrimination auditive, un retard pouvant aller jusqu'à une année, dans la faculté de lecture, de texte et de certains troubles du comportement, lorsqu'on les compare à leurs camarades d'école plus calmes. Alors ça, c'était l'objet d'une étude. Alors après, je ne vous cite pas, parce qu'il y a toutes les références dans ce document-là. Ceci dit, s'il y en a que ça intéresse, je peux tout à fait vous donner des indications. Ce qu'il est important de savoir par rapport à cette nuisance, et je terminerai sur la nuisance en tant que telle, après j'aborderai brièvement nos rapports avec les pouvoirs publics, puisque c'était une des commandes un petit peu hein, pour le débat de ce soir. Ce bruit a une autre particularité, c'est que il est associé, et Samira tout à l'heure l'a évoqué un petit peu, il est associé également à une crainte. Et quand on parle de la peur d'accident qu'on retrouve dans le résultat de notre enquête, c'est-à-dire que le bruit peut être associé à cette peur. Alors ça a été fortement exprimé par des personnes qui ont connu l'après-guerre, et puis c'est exprimé aussi par des habitants, parce que on est tous, vous lisez tous la presse, vous en entendez parler. Moi j'avais fait une petite recherche, j'ai une liste, là j'ai un recto verso d'accidents de mirage. Alors pourquoi les mirages, pourquoi j'ai cherché les mirages, c'est parce que les mirages, avant on n'en avait pas à Tours et maintenant on en a. C'est assez éloquent. 7 février 2001, Mirage F1, base de Colmar. 10 mars 2003, deux pilotes de la patrouille acrobatique, Voltige Victor, hop, dans un champ à côté de Reims. Je repars à 2030, près de Mont-de-Marsan, décidément. Un mirage, de nouveau, s'écrase à proximité de la base. Avril 2005, encore la base de Reims. Il y en a plusieurs à l'étranger, je ne vous les nomme pas. Décembre 2007, il y en a un rafale qui s'écrase en Corrèze. En juin 2008, c'est encore la base 132 de Colmar. Un avion qui a été incontrôlé, qui s'est écrasé. En janvier 2009, deux F1 espagnols qui rentrent en collision. En 2008, de nouveau, là c'est dans les Côtes d'Armor, encore un mirage. Un crash similaire en février, pour lequel on n'avait pas beaucoup d'informations. Et puis 2008, Mirage 2000 également en Bretagne, et plus récemment, donc l'an dernier il y en a eu un qui est tombé pas loin d'Orléans. Alors quand on dit toujours le bruit, le risque d'accident s'est éloigné, et puis quelque part on peut peut-être y échapper. Jusqu'à présent, je pense qu'ils ont eu beaucoup de chance, et nous avons eu beaucoup de chance que ça ne s'écrase pas sur la population. Le dernier a fait quand même 2 morts, ce sont les pilotes. Là de nouveau, c'était il y a un mois, hein, le dernier accident de Mirage, mais si j'insiste, c'est pas pour vous affoler en sortant ce soir, mais bien pour que vous preniez conscience que ce bruit peut être associé aussi à la crainte qui impète un jour. Alors après, nos relations avec les pouvoirs publics. Alors notre association a beaucoup travaillé et a fait en sorte d'essayer de discuter avec tous les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, et les élus. Alors les actions, ce sont des campagnes lors des élections, quelles qu'elles soient, des actions du type soit courrier, soit aller directement lors des campagnes, des réunions publiques pour amener le débat, discuter. On a fait le choix de participer et on a œuvré pour qu'ait lieu un certain nombre de commissions. On a eu une commission, c'est un peu grâce aux associations, et là pas que la nôtre, hein. S'il y a eu la première réunion de la commission consultative de l'environnement sonore qui réunit à la fois les représentants des élus locaux, des représentants de l'association, de l'aviation civile et de l'aviation militaire, et des représentants d'associations. Nous avons participé, et malheureusement ça a abouti à un échec de négociation, hein, puisqu'il y a volonté d'un côté, on observe au fil des années qu'il y a une volonté apparente des pouvoirs publics de vouloir discuter, hein, mais notre crainte c'est que ça soit plus une question d'affichage, de communication, plutôt qu'une volonté réelle de vouloir faire avancer les choses. On a participé aussi à la mise en place du plan de protection de l'atmosphère. Alors là, c'est par rapport plus à la pollution chimique. On a obtenu une étude de Météo France, ce qui n'était pas gagné d'avance. On a réussi à se la faire subventionner. Et puis, on a participé, autant que faire se peut, à tout ce qui était réunion publique. Et puis, réseau, travail en réseau d'animation, réseau avec d'autres associations. Et puis, c'est une des raisons pour laquelle nous sommes fédérés à la Cépente, que certains connaissent ici peut-être. Pour terminer, la difficulté avec cette nuisance et nos interlocuteurs, parce que même si je vous disais on arrive à un débat public, au bout d'autant d'années, si on est invité, c'est que quelque part nous sommes reconnus, mais là où le bât blesse, c'est que même si on est reconnu, on a le sentiment que quelque part les dés sont pipés. Alors les dés sont pipés, il y a des études comme celle dont vient vous parler Sophie, mais que ces études, nous, elles nous posent quand même un sacré problème. On vous a parlé de modélisation. Effectivement, logiquement, on dit que le bruit, la notion de bruit, enfin, ça a été évalué à la hausse, hein, c'est bien ça, surestimé, voilà. Pas sur le bruit aérien, là, je ne sais pas, mais sur le bruit routier, voilà. Ferroviaire. Donc, bruit routier, ferroviaire, surestimé. Bon, il est vrai qu'il n'était pas obligé, localement, de faire ce type de mesure au niveau de la communauté d'agglomération, et c'est vrai que nous avons apprécié d'avoir pu être invités. Mais une fois que j'ai dit la politesse, je vais quand même mettre un petit bémol, c'est une modélisation. Deux, il y a eu des campagnes de bruit et elles ne sont pas sans nous poser question, dans la mesure où on a une moyenne, et qui dit moyenne dit forcément un lissage, et un lissage vers le bas. Or le bruit, quand on est en situation de le subir, on le subit soudainement, et l'être humain, il n'a pas cette capacité, cette faculté de faire la moyenne. Au moment où je subis ce bruit, c'est immédiat. Et comme je le disais tout à l'heure, eh bien, mon ressenti, moi, je ne réfléchis pas en moyenne. Et là où on va être en décalage, et là où on risque d'aller vers une impasse à nouveau, c'est qu'on ne parle pas de fait des mêmes choses. Et quand on parle des rapports que nous avons avec les élus, eh bien, là aussi, c'est quel intérêt, la question, le débat d'aujourd'hui, pour nous, par-delà le bruit et par-delà toutes les lois qui pourraient exister qui existent déjà, c'est quelle société voulons-nous construire demain? Est-ce que c'est une société qui s'intéresse à l'humain en priorité, à la préservation de son environnement, ou bien à l'activité de l'humain exclusivement? Aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que l'activité prime sur le ressenti des populations, et que lors de cette campagne que nous venons d'avoir là au niveau, puisqu'on est juste entre deux tours, une personne que je vais citer, monsieur Dayan, qui est pour le développement de l'aéroport civil, c'est un élu de la ville de Tours actuellement, et qui se présentait là pour le conseil général. On assiste quand même à un paradoxe un peu fou, quoi. À la fois, il y a des alliances qui ont lieu aujourd'hui avec les Verts, et paradoxalement, on continue à développer des activités sans se soucier, et là je m'adresse aux étudiants de géographie, à l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, c'est pas les collectivités locales réfléchissent, on veut chacun notre aéroport, hein. C'est la carte de visite, ça fait bien, alors Tours, Val-de-Loire, Loire-Vallée, c'est formidable, c'est beau, mais est-ce qu'on a absolument besoin tous d'un aéroport? Là, c'est pour la partie civile, et je terminerai par des chiffres, parce que là, au moins, c'est peut-être pas, et puis ce sont des chiffres que je détiens de la préfecture. Je laisse à votre disposition ces chiffres tout à l'heure, mais je ne pourrai pas les... Je ne peux pas vous laisser les documents, puisque ce n'est pas approuvé, là aussi c'est un petit peu comme cette étude, mais c'est ce qui nous a été donné à la dernière commission consultative de l'environnement sonore des Basques, qui s'est réunie il y a 2 mois. Ça faisait 4 ans et demi, 5 ans qu'on en réclamait, hein, et puis on ne l'avait toujours pas, pour vous dire à quel point on est compris. Alors, pour vous donner une idée, les avions, pourquoi on a 45 850 mouvements, c'est ce qui est prévu, et c'est ce qui correspond à un trafic annuel. Sur ces 45 850 mouvements, on en compte 37 000 rien que pour l'école de chasse. Je vous passe les détails sur le type d'avion parce que ce ne sont pas que des Alpha Jets. Parmi ces 37 000 mouvements, il y en a 306 qui correspondent au fameux Mirage qui s'écrase quand même de manière assez récurrente. J'ai fait une petite analyse, hein, une petite division. Par an, 37 000 mouvements au niveau des militaires. Les militaires ont quand même la particularité de ne pas voler le week-end. Donc je me suis autorisée à enlever les week-ends. Donc 365 jours, après on enlève les week-ends. Je leur attribue pas de vacances pour cette fois-ci, donc, parce qu'autrement d'habitude j'enlève aussi les vacances, donc ça augmente le nombre, la moyenne journalière. Ça donne, pour tour, 142 mouvements par jour. 142 mouvements. Alors 42 mouvements, c'est pas 142 décollages. Un mouvement, c'est un décollage ou un atterrissage ou un exercice de simulation. On fait une approche sur la ville, on descend et au moment d'atterrir, on redémarre parce que c'est un exercice. 142 mouvements, mais là je vous ai donné que l'aspect militaire. Sur le civil, là j'ai été plus correct, je l'ai ramené sur les 365 jours parce que je n'ai pas d'éléments qui me permettent de repérer à quel moment ils volent le plus. On a 24 mouvements supplémentaires par jour en moyenne. Alors c'est pas, si on voulait comparer les deux, c'est pas très scientifique ce que je vous ai fait, parce que normalement il aurait fallu que je me ramène au même nombre de journées, mais quand même, si je fais une simple addition, on est à 166 mouvements jour de la semaine minimum. On nous en promet un petit peu plus. Il n'y a pas beaucoup d'évolution dans les années qui viennent, et nous venons d'apprendre qu'on allait s'orienter, donc une base qui restera, une école de chasse qui reste annoncée 2018-2020. Voilà. Pour terminer, j'ai encore une petite chose. Les plaintes. Quels moyens on a à notre disposition? Il y a les plaintes. On en parlera tout à l'heure et on vous dira comment on est fait. Mais je pense que c'est important effectivement de passer le relais parce que j'ai pris plus que 10 minutes. Je me permets de vous corriger, il n'y a pas d'alliance entre M. Daillon et les Verts. Ah, ça c'est important, merci. Mais je ne sais pas s'il y a une alliance, mais disons que oui, bon, c'est vrai que le terme que j'ai utilisé était peut-être d'accord. Mais bon, disons qu'il y a eu quand même une proximité et des contacts ces derniers temps qui pouvaient. Ça me rassure un peu quand même. Pas si sûr. Alors, nous sommes les gens qui habitons une vitrine à Tours. Et bien, je vous garantis qu'habiter une vitrine, ce n'est pas confortable. Donc, je suis ancienne secrétaire et présidente de l'association, dont le président actuel est Pascal, et nous allons nous passer la parole. Notre association s'appelait Plumereau Victoire, ça correspond place Plumereau, place de la Victoire. Ça va intéresser les géographes, on a été créé en 1986, au moment de la piétonisation du quartier, qui s'est accompagnée d'une large distribution de licences 4 et de terrasses par la mairie de l'époque. Cette association a été mise en sommeil rapidement, elle a été reprise en 1994 et s'est ouverte sur le quartier de la place de la Résistance, parce que les habitants de la place de la Résistance subissaient par contre-coup les excès de la place Plumereau et de la place de la Victoire. Donc on s'est appelé PVR, Plumereau Victoire Résistance. Et en 2004, les habitants des Halles nous ont demandé la possibilité de nous rejoindre et maintenant nous nous appelons Plumereau Halles Résistance Victoire. Nous avons l'intention de résister jusqu'à la victoire, mais je ne promets pas que nous gagnions. Nous sommes une association d'habitants locataires, propriétaires, mais aussi commerçants, des gens qui travaillent dans le vieux tour. Trois objectifs, je ne développerai que celui qui porte sur le bruit, lutter contre la pollution sonore en hyper-centre-ville. Quelles sont les nuisances? Ça commence le mercredi, ça devient très fort le jeudi, et ça s'amplifie le vendredi et le samedi jusqu'au dimanche matin. Les nuisances viennent des établissements qui diffusent de la musique amplifiée sans être insonorisés, en infraction avec le décret ministériel de décembre 1998. Donc pollution d'appartements au-dessus, à côté, en face. Ça vient également des terrasses. Parce que normalement un bar qui diffuse de la musique amplifiée doit avoir un sas, mais la plupart n'en ont pas. Donc chaque fois que quelqu'un entre et sort, une musique qui sort des établissements, clients qui chantent et hurlent sur les terrasses, et puis les fumeurs qui maintenant sortent, ça n'a pas tout à fait arrangé les choses. Ça vient aussi des musiciens de rue qui s'installent avec ou sans autorisation. Des manifestations, autorisées ou non, il y a beaucoup de manifestations autorisées au nom de « ce n'est qu'une fois par an ». Ben oui, les apéros rock, ce n'est qu'une semaine par an. La Saint-Patrick, ce n'est qu'une fois par an. C'était la semaine dernière, on s'en souvient. La fin des examens, c'est quatre fois par an. Le carnaval, c'est une seule fois par an, jusqu'à 3h du matin, place de la Résistance en 2006. On nous avait dit que c'était pour les enfants. 3h du matin en 2006. Le festival de la place de la Résistance en 2009, ce n'était qu'une fois par an, et les certaines manifestations de centres sociaux, pareil. Autre source de nuisance, les noctambules qui s'installent sur les placettes pour s'amuser et passer la nuit. Et puis surtout, les fermetures des établissements, les clients qui sortent de tous les bars, il y en a 153 places Plumeau. Des bars, 7 discothèques. Les clients qui sortent des bars à 2 heures, de certains bars à 4 heures, et des discothèques à 5 heures, 6 heures, 7 heures, puisqu'il y a un nouvel décret ministériel qui autorise la fermeture des discothèques à 7 heures du matin. Je pense que c'est dans le cadre de la lutte contre l'alcoolisme. Comme vous le constatez, les nuisances sont liées à la vie nocturne et aux activités festives. Elles sont liées à la fois au comportement des personnes qui fréquentent le quartier, mais aussi techniquement à la musique, la nuit, ça, pour nous ça s'appelle du bruit. Voilà, donc nous sommes en relation avec plein d'associations dont la Sépente. Et nous organisons des manifestations, je vous en parle rapidement et je laisserai le président actuel parler de nos actions avec les institutions, puisque nous en avons. Alors, nos manifestations, nous organisons des campagnes de communication par mailing. Lors de chaque élection municipale ou cantonale pour lesquelles nous sommes concernés, Tour-Centre ne votez pas là, au cantonal. Nous élaborons un dossier que nous allons soutenir face aux différents candidats. Nous organisons des manifestations publiques en 2001 avec la police nationale, en 2003 avec les élus, la police nationale, la police municipale et le conseil général, sur le bruit, hein, sur la nuisance sonore. Oui, nous avions donné, c'était une manifestation parce que nous avions fait une enquête sur les nuisances sonores de nos quartiers. Nous avions fait faire une enquête par des étudiants d'IUT, encadrés par un spécialiste des enquêtes. En 2005, nous avons fait une manifestation avec des médecins du CHU, deux médecins, sur les répercussions des nuisances sonores sur la santé. En 2007, nous avons participé à un plateau télé sur TV Tour avec la Sépente et David Martin. Puis nous avons fait une petite expo photo au hall, mais là, ça n'avait pas, c'était pas contre le bruit. Et en 2010, là, en novembre 2010, nous avons fait de nouveau une manifestation pour sensibiliser les élus et les pouvoirs publics à ce que nous subissons. Et l'opinion générale des 70 présents était... Il y a aggravation des nuisances sonores dans nos quartiers depuis 2008. Vraiment aggravation. Je laisse la parole à Pascal pour les actions avec les institutions. Alors, je vais juste dire quelques mots sur cette partie. Tout à l'heure, Samira a dit qu'effectivement, nous avions tous les mois une réunion à la mairie. En fait, cette réunion, c'est consécutive à la signature d'une charte de civilité qui a été signée en 97 sous l'égide de la mairie, entre les commerçants qui, à l'époque, étaient regroupés sous forme d'association et la nôtre. Et donc, à ce moment-là, ce qui était demandé, c'est que cette charte devait en fait veiller au respect de la qualité de vie des riverains et que pour avoir un respect suivi, il fallait des réunions qui permettent de faire des bilans régulièrement. Donc, est né à ce moment-là donc, ce fameux comité de suivi qui se réunit tous les premiers jeudis du mois à la mairie, en présence à l'époque du premier adjoint, maintenant c'est un autre adjoint. Nous avons donc dans ces participants le service hygiène-environnement qui est très important parce que c'est ce service qui permet de démarrer toutes les démarches lorsqu'il y a des problèmes de nuisances sonores, la police municipale pour les mêmes raisons. Il y a aussi donc des relations fortes avec la police nationale qui participent aussi à ces réunions et pour lesquelles nous avons aussi des contacts extérieurs. Alors nous avons au départ eu des actions importantes parce que la première de nos actions consistait pour la plupart du temps à faire respecter des réglementations qui existaient mais n'étaient ou pas connues ou volontairement non respectées. Et notre cheval de bataille, c'était ça, en fait, faire respecter toute la réglementation sur, en fait, le bruit que émettaient les établissements recevant du public et qui diffusaient régulièrement de la musique amplifiée. Déjà pour voir les appartements qui étaient contigus à ces établissements et qui avaient chez eux de fortes nuisances. Donc là, le service hygiène-environnement était très important puisque pour avoir des actions dans ce domaine, il faut systématiquement avoir des mesures effectuées. Donc c'est là qu'intervenait le service hygiène-environnement et aussi parce que la plupart des établissements pensaient que dans leur mur ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient et se souciaient très peu en fait de savoir s'ils gênaient ou pas. Donc la plupart du temps personne ne savait qu'avant de pouvoir diffuser de la musique amplifiée il fallait avoir fait une étude d'impact acoustique pour voir en fin de compte en fonction des locaux, de la nature des locaux, si l'établissement était adapté ou non pour ce genre de diffusion de musique. Donc il y a eu quand même des actions dans un premier temps qui ont été un petit peu lentes à démarrer, ensuite qui ont commencé à être un petit peu efficaces, qui d'ailleurs, lorsqu'il y a eu quelques actions un peu plus importantes au niveau de la préfecture, puisqu'il y a toute une démarche qui est clairement notifiée et qui est maintenant en fait présentée sous forme d'un organigramme, ça a commencé à avoir une petite amélioration dans le quartier parce que lorsque des établissements avaient des horaires d'ouverture diminués ou des choses comme ça, bon, ça servait un petit peu de leçon. On a eu une période de calme comme ça et d'ailleurs les établissements ont pensé qu'on avait un très gros pouvoir et qu'en réalité tout ce qu'on demandait était exaucé à chaque réunion où on avait. Alors on sait bien... Nous, on a pensé qu'effectivement, on demandait beaucoup pour avoir peu, mais on a laissé les gens penser que c'était en fait systématiquement ce qu'on demandait, qu'on obtenait. Et on a eu quand même une période d'amélioration. À côté de ça, à l'époque, il y avait aussi des participants dans ces réunions de la préfecture. Ils ne sont plus venus, mais on nous a invités à nous rendre à notre demande à des réunions qui sont ponctuelles, non pas... c'est nous qui sommes les demandeurs. Et donc ça continue à se faire à une fréquence de 3 ou 4 fois par an. À côté de ça, nous avons aussi participé à l'élaboration du code de la rue. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, puisque c'est un document qui avait déjà été rédigé dans beaucoup de grandes villes. Donc la ville de Tours avait décidé effectivement de se lancer dans ce type d'action. Il n'est pas encore sorti pour différentes raisons. Parallèlement aussi au comité de suivi avait été créé un groupe de réflexion sur le bruit par à l'époque un adjoint au maire, David Martin. Donc on a eu un travail relativement efficace pendant 3 ans, à peu près de 2003-2006, où on a réussi même à avoir aussi une petite, on dira, caractérisation acoustique du secteur plus gros, on ne va pas dire une cartographie parce que ça serait un peu ambitieux, qui avait été réalisée par le CETE de Blois, mais ça donnait quand même une petite indication. Il y avait eu à l'époque 11 points de mesure dans le secteur sur 8 ou 10 jours, je ne sais plus exactement. Et puis, ce groupe de travail continue à exister, mais en fait, maintenant, dans la nouvelle équipe municipale, on a confié donc non plus ce groupe de travail à un adjoint au maire, mais un conseiller municipal qui a une vue un peu différente de la chose. On restera gentil en disant ça. Et là, on s'aperçoit que l'efficacité est toute relative, où en gros, pour l'instant, ce canton a essayé de regarder par rapport à une campagne d'affichage qu'il y avait dans le secteur Plumeau, qui était un affichage permanent, de voir apporter une évolution sur, je dirais, le type d'affiche, parce qu'on nous a expliqué qu'en réalité, pour avoir une efficacité, il ne fallait pas un affichage permanent. Et donc, en plus de ça, on nous a aussi largement diminué nos points d'affichage. Donc, nous, on pense que le système tel qu'il était, c'était quand même quelque chose qui marquait une implication de la municipalité, même si l'efficacité était plus ou moins importante, parce que de nos jours, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas forcément un type de système d'efficace, mais on essaye de faire quelque chose, en tout cas, qui montre que la ville continue à être consciente et lutte à nos côtés contre ces nuisances. À côté de ça, il y avait eu aussi en 2005 une campagne d'affiches. Il y avait eu 5 affiches qui avaient été avec des périodes d'affichage échelonnées sur, je crois, 18 mois à peu près, et qui étaient aussi déclinées sous forme de plus petites affiches qui étaient mises dans les établissements qui acceptaient de les mettre dans leurs murs, et aussi diffusées sous format de cartes postales. Nous avons eu aussi une manifestation qui a eu lieu place Plumeau en juin 2007 qui s'était appelée Chute, où à l'époque il y avait eu une reconstitution d'une partie d'un appartement au milieu de la place, et pendant 3 jours les personnes qui participaient à cette action, donc de la mairie plus de notre association, donc étaient là pour répondre dans la configuration de l'appartement, c'est-à-dire une chambre, un séjour, à ceux qui voulaient venir nous poser des questions, et en même temps étaient diffusés à ceux qui voulaient bien m'écouter des enregistrements qui avaient été faits justement dans les appartements qui subissaient des nuisances sonores, pour montrer un petit peu ce que c'était que le niveau de bruit qui était généré par la musique amplifiée dans les établissements. Ça avait eu quand même un impact important, et puis c'était quand même un acte fort parce que c'était déjà 3 jours, c'était quelque chose d'important au niveau de l'organisation. Bon, jusqu'à maintenant, on n'a pas connu de nouvelles manifestations de ce style. Alors peut-être parce qu'il y a moins la volonté, et puis aussi peut-être des problèmes de budget, mais enfin bon, de toute façon, actuellement, nous avons un petit peu aussi l'impression que toutes les réunions à laquelle nous participons, des fois relèvent peut-être aussi un petit peu de la partie com, et on se pose la question des fois de savoir si en réalité on vient un petit peu faire part de nos doléances, mais qu'en réalité il n'y a pas grand chose qui en sort. Ça, c'est un petit peu un sentiment qu'on a depuis pratiquement 18 mois, et des fois on se dit finalement c'est presque un petit peu l'alibi, parce que quand on nous demande quelque chose et que nous on rétorque qu'on n'est pas satisfait, on nous répond quand même oui mais enfin vous êtes les seuls, comme disait Samira, à être reçus tous les mois, donc c'est déjà quelque chose de acte fort de notre part. Mais bon, nous, on veut que, à partir des problèmes qu'on pose, il y ait aussi des réponses. Et on a de plus en plus de mal à obtenir des réponses actuellement. Donc, on continue de demander beaucoup en espérant avoir un petit peu. On continue d'avoir un petit peu, c'est vrai quand même. Mais on ne sait pas trop l'impact que ça aurait si d'un seul coup, on décidait de ne plus se rendre à ces réunions. On est passé de 6 affiches très visibles, mais c'est vrai qu'il ne faut pas un affichage permanent parce qu'après, on finit par ne plus voir. À 3 affiches, si vous arrivez à les voir, vous nous faites signe. Elles sont grises sur fond blanc. Et on est passé de la manifestation Chute, 3 jours, place Plumeau. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu de plan de remédiation après. À une manifestation, je suis désolée, organisée en septembre par la mairie de Tours, une yourte pour sensibiliser au bruit les enfants de 3 à 11 ans. C'est tout à fait notre problème. C'est les enfants qui nous empêchent de vivre et de dormir, vous imaginez. Donc là, il y a... bizarre. Bon, donc voilà, c'est pas... C'est donc voilà à peu près le cadre de nos actions. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On ne va pas s'étendre plus. Après, de toute façon, si vous avez des questions. Ok, merci beaucoup. Donc, merci à vous pour ces interventions qui nous ont permis d'y voir un peu plus clair sur le sujet. Donc maintenant, on peut passer à une phase un peu plus de discussion entre les intervenants et puis nous, le public. Donc n'hésitez pas à faire part de vos remarques, de vos expériences ou à poser vos questions. Voilà. Monsieur Gard, dire quelques mots peut-être pour votre association, donc le Cidreté, expliquer aussi pourquoi ça fait partie. Je vais être bref, parce que vous avez préparé un grand discours, là, chacun et chacune. Donc moi je préside une association de défense de riverains d'un secteur que j'appelle le secteur T, qui existe depuis 2003. Alors c'est quoi le secteur T? C'est un secteur, je dirais, l'un des plus pollués de l'agglomération tourangelle. Le rond-point Pompidou-Hortelou, il appelait le rond-point de la mort. Rond-point de la mort parce qu'il était, lorsqu'il a été créé, très dangereux à la fois pour les cyclistes et pour les piétons. Bon, alors ce secteur-là, il a un grave défaut. C'est qu'il est placé à la limite de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps. D'ailleurs, ça s'appelle... l'association s'appelle CIDRT, Comité Intercommunal, parce qu'il est à cheval sur deux communes de défense des riverains du secteur T. Et c'est vraiment un gros défaut d'être à cheval sur à la limite des deux communes, de Saint-Pierre-des-Corps et de Tours. Il est à la limite des cantons, canton de Tours-Centre, canton de Saint-Pierre-des-Corps. Il est à la limite des circonscriptions également. Autrement dit, les députés ou les conseillers généraux ou les maires que l'on contacte, ils nous connaissent à peine parce qu'on est vraiment à la limite de leur commune, de leur canton. Alors ces gens-là, ils nous ont un petit peu quand même écoutés. Au début, lorsqu'on a commencé à faire de grosses manifestations, je parlerai de ces manifestations, mais ils ne nous ont pas entendus. Comme toujours, ils disent « Ah oui, vous avez du bruit, ah oui, vous avez de la pollution ». L'objectif, le but de mon association, c'est surtout de... On se bat contre la pollution générée par la circulation automobile, et notamment celle des poids lourds. Les poids lourds, c'est mon dada, je dis tout le temps, parce que les poids lourds circulent dans ce secteur parce qu'il est situé à la sortie de l'échangeur de Tours-Centre. Entrée de Tours, sortie de Tours... direction nord par la 10, direction sud par la 10. Donc on se bat surtout contre la pollution atmosphérique. La pollution, les nuisances olfactives, on va dire. Mais, puisque c'est le sujet ce soir, il y a également énormément de nuisances sonores. Parce qu'il faut dire qu'il y a la circulation automobile, mais nous sommes aussi dans l'axe de la base aérienne. Pour atterrir, les avions, ils ciblent l'autoroute. Et l'autoroute, c'est en fait la voie qui longe l'avenue Pompidou et qui coupe le secteur T en deux. Donc nous avons des poids lourds, la circulation automobile, nous avons des avions. Et qui fait le plus de bruit, j'en sais rien. Les poids lourds en font beaucoup, la circulation automobile en général, hein, parce que l'autoroute n'est pas loin. La Nationale 10, qui autrefois passait par la rue Nationale, est détournée par ce secteur-là. Tous les véhicules qui arrivent du Nord et qui prennent le premier rabot, ils passent par ce secteur-là. Tous les gens qui vont sur Saint-Pierre-des-Corps, bien sûr, ils longent la Loire. Donc ce secteur est très pollué par les pollutions atmosphériques et par le bruit. Alors, on a un petit espoir. Le président d'Ariane, qui se trouve ici, pourra le confirmer, de voir peut-être, éventuellement, je pourrais donner notre qualificatif, voir disparaître les poids lourds. Parce qu'il a été détecté dernièrement, il n'y a pas de capteur sonore dans cette région-là, donc on ne sait pas s'il y a du bruit trop. Par contre, on sait qu'il y a de la pollution atmosphérique, parce qu'il y a un capteur au rond-point Pompidou-Hortelou qui a décelé dernièrement un dépassement d'une norme tolérée par l'Europe, une norme européenne en matière de dioxyde d'azote. Pas de dioxyde de carbone, de dioxyde d'azote. Vous savez que ça existait à ce point-là. Donc, dans ce secteur, nous avons un dépassement de la moyenne annuelle de ce taux de NO2. Et actuellement, il y a un groupe de travail qui s'est réuni plusieurs fois à la préfecture et qui discute sur des scénarios possibles pour éliminer les poids lourds. Alors, on va peut-être arriver à quelque chose. J'aimerais bien que, comme ça, comme disait Christine tout à l'heure, peut-être que l'association Cidrotée pourrait disparaître dans quelques mois, quelques années, j'en sais rien, ça serait bien dans quelques mois. Par contre, les avions, on les a toujours, et je peux dire que les avions, ça fait du bruit, monsieur, madame. Ça fait du bruit. Parce que quand ils arrivent pour atterrir, notamment, c'est pas quand ils décollent. Quand ils arrivent, ils sont ni trop haut ni trop bas, mais ils volent encore à grande vitesse. Donc ils font du bruit. Et c'est souvent entre midi et 14 heures, effectivement. On l'a remarqué qu'il y a ces avions qui, je ne sais pas pourquoi, ils viennent atterrir à un moment où c'est sûrement l'heure de déjeuner pour eux, pour les pilotes, et ils arrivent tous en même temps. Ou presque. Et donc, ils sont à haute altitude, mais ils font à moyenne altitude. Il faut quand même du bruit, parce qu'ils volent encore vite avant de faire un petit tour dessus de cette terre et d'atterrir. Mais depuis quelque temps, il y a des avions qui volent presque en rase-bord pour atterrir. Alors ça, c'est nouveau. Je ne sais pas si Christine l'a noté, mais les avions arrivent maintenant à basse altitude, et il y en a même certains qui se perdent un peu, qui doivent passer au-dessus de la place Jean-Jaune. C'est comme ça que les jeunes l'appellent maintenant. Moi, je dis la place du palais. Bien sûr. Et donc, ces avions, c'est effectivement une grosse nuisance, en plus de la circulation. Et nous nous sommes battus, on était un petit peu en sommeil aussi depuis quelques temps, et puis ça reprend. Pourquoi on s'est un peu arrêté? Parce qu'il y a eu une certaine lassitude. On a fait beaucoup de manifestations pour détourner les poids lourds, notamment. On a pris des risques, hein. C'est pour ça qu'on s'est un peu arrêté, parce que il va y avoir des morts. Hein. Justine est venue un soir, c'était pas loin de Noël, ou après Noël, on était déguisé un petit peu en Père Noël. Ouais. Tu étais déguisé en Père Noël. Pour et un poids lourd, nous détournions les poids lourds vers l'autoroute, parce qu'ils sortaient de l'autoroute et on les faisait re-rentrer sur l'autoroute pour ne pas qu'ils circulent sur les Pompidou, parce que c'est là qu'il y a passé énormément. Vous dire qu'il en passe beaucoup, c'est facile à dire, mais il en passe une soixantaine en moyenne par heure. C'est une moyenne. Ça veut dire que des fois il y en a 100, des fois il n'y en a plus que 30. 130 divisé par 2, ça fait 65. C'est pas grave. La nuit, il en passe un petit peu. Enfin, quand je dis la nuit, c'est avant minuit. Moi, je les vois avant minuit. Hein. Je vais me promener ou promener mon chien et je les vois passer. Je les vois passer le soir, il y en a un peu moins. Mais dans la journée, c'est monstrueux le nombre de poids lourds qui passent sur Saint-Pierre-des-Corps, le bord de Loire, ou sur l'avenue Pompidou. Et donc je disais que nos actions consistaient à détourner les poids lourds, les empêcher de circuler sur l'avenue Pompidou. Donc on les faisait rentrer sur l'autoroute et sortir à Saint-Pierre-des-Corps. Parce que la réflexion qu'on me fait, c'est « Mais monsieur, les poids lourds, il faut bien qu'ils passent quelque part. » Ah, je dis « Ben oui, mais on peut les supprimer, les faire sortir, je ne sais pas où. » Alors nous avons trouvé une solution, bien sûr. Les faire sortir à Saint-Albertin. Alors là, oh là là, grand cri de tous les gens qui habitent là. Mais nous avons cet avantage-là, c'est que nous ne détournons pas les poids lourds au fond du jardin du voisin. Parce qu'il n'y a pas de... Nous les faisons passer par une zone non habitée. Alors qu'actuellement, ils passent par une zone habitée qui est l'avenue Pompidou et les bords de Loire. Et le rond-point des Français libres. Je précise, parenthèse, je suis le riverain du rond-point des Français libres. Vous comprenez pourquoi je me bats. C'est pas un intérêt particulier. Je ne défends pas un intérêt particulier, mais un intérêt général. Tous ces gens qui sont sur l'avenue Pompidou, sur le bord de Loire, c'est insupportable. Bruit et pollution. Donc nous avons un petit peu levé le pied dernièrement parce que nous avons eu un incident, disons, avec un poids lourd, même deux incidents. Un qui a poussé un petit peu sur le barrage que nous avions organisé et qui a bousculé la barrière qui était placée sur la chaussée. Nous sommes couverts par la police, hein. La police est là, c'est autorisation de la préfecture. Hein. Et puis un autre jour, il y a eu un poids lourd, un chauffeur de poids lourd qui a quitté sa cabine et puis qui est descendu armé d'une manivelle. Il n'aurait jamais dû. Il n'aurait jamais dû parce que les riverains, les adhérents de l'association ne sont pas tendres. Avec les chauffeurs de poids lourds. Et donc il y a eu altercation, Il y a eu également la police intervenue. Alors là, ils sont d'habitude deux ou trois, ils étaient tout d'un coup 15, 20 pour policiers pour nous entourer, nous intéresser. Et donc il y a eu une évacuation au poste de police, mais ça s'est bien terminé. Merci. Donc nous avons un petit peu. Excusez-moi, merci pour cette intervention spontanée. Oui. Du coup, on m'a fait signe. Ah oui, bien sûr. Parole au public. Oui. Bon, c'est pour dire que, il y a du bruit et il faut faire quelque chose. Juste un petit mot, j'aimerais que les associations qui se battent contre le bruit, qu'on se fédère, qu'il y ait quelque chose pour ce groupe, pour tous, chacun avec ses intérêts en particulier, mais qu'il y ait une fédération d'associations anti-bruit. Excusez-moi, j'étais à peine. C'est vrai, c'est pas un débat, c'est un monologue. Ludoc. Alors moi j'avais une question, elle concernait finalement cette évidence du bruit comme un problème. Est-ce que le bruit c'est forcément un problème? C'est-à-dire que vous présentez un certain nombre de cartes où il y a un certain nombre de mesures de décibels, etc. Et à la lecture de ces cartes, on a l'impression que de toutes les zones où les décibels sont un petit peu trop élevés, bah c'est des zones qui deviennent problématiques. Et comme vous l'avez rappelé, le bruit peut relever de nature tout à fait différente. Par exemple, un murmure ambiant qui peut être assez bas peut être beaucoup plus désagréable que des bruits plus élevés mais qui sont plus ponctuels, ou un bruit qui peut arriver à tout moment, comme notamment un avion, peut être beaucoup plus stressant que par exemple, un bruit lors d'une fête de la musique, par exemple. Et du coup, la question que je me pose, c'est s'il n'y a pas plusieurs problèmes du bruit en fonction tout simplement aussi de nos propres ressentis. Je me rappelle, en l'occurrence, vu que c'est ultra qualitatif, c'est peut-être une des limites de l'exercice cartographique. Moi, j'avais un coloc, j'habite au Sanitas, ça donne sur un square où il y a des enfants qui jouent. Mon coloc ne supportait pas les gamins qui jouaient sur la place, alors que moi, j'adore ça. Je trouve qu'il y a une petite ambiance, ça donne de la vie au quartier, etc. C'est pareil, le bruit fait complètement partie des ambiances de la ville, c'est-à-dire les bruits des grands boulevards à Paris, le tramway qui circule, notamment dans le Vieux Tour, effectivement, on pourrait en parler parce que je pense qu'on est plusieurs ici à apprécier sortir dans les bars, le fait qu'il y ait un petit peu de musique, des éclats de voix, des choses comme ça. Et effectivement, d'un autre côté, il y a les habitants qui sont dans d'autres rapports. Et puis peut-être aussi en fonction des habitants, il y a peut-être des résidents qui sont là depuis plus longtemps, qui s'attendaient à une autre chose de ce quartier-là. Et puis il y a aussi des étudiants qui habitent ce quartier qui aussi recherchent peut-être cette ambiance-là dans ce quartier. Donc c'est un petit peu la question que je me pose, donc je ne sais pas trop à qui poser la question sur ce rapport. Est-ce que le bruit c'est si problématique et dans quelle mesure ça l'est? Et puis il y a la question aussi du rapport au bruit, donc en fonction de sa réception personnelle, mais aussi en fonction d'un certain nombre de variables, de l'âge, du sexe, de l'activité. En fonction aussi de notre exposition à du bruit dans la journée, c'est-à-dire que lorsqu'on a un travail où on travaille dans un environnement qui est plutôt bruyant, que par exemple aussi il y a le bruit domestique, qu'on a des enfants à la maison, on a peut-être aussi envie de moments de calme, d'être complètement dans le silence. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, en termes d'aménagement, si vous posiez la question tout à l'heure en termes d'aménagement, est-ce qu'on ne doit pas réfléchir non pas à une baisse globale du niveau des décibels à l'échelle d'une agglomération, mais plutôt à essayer de préserver, à garantir des droits au silence, c'est-à-dire quelle que soit sa situation, que l'on travaille, qu'on ait des enfants toute la journée chez soi et qu'on aimerait bien sortir le soir dans un parc et puis être complètement tranquille, ou que ce soit le contraire, qu'on est tout le temps dans la rue et qu'on aimerait bien le soir rentrer chez soi, être au calme, est-ce que finalement on ne doit pas aussi travailler sur ces choses-là? Donc il y avait deux questions. Merci. Alors Ludovic, tu as posé une question à laquelle on peut répondre tous autant qu'on est. Donc moi, je peux peut-être commencer par répondre à le fait que le bruit, c'est pas forcément un problème. Le bruit, c'est la vie, sauf que ça arrive à certains moments que ça puisse gêner certaines personnes qui vivent à côté de la source de bruit, parce que ces personnes-là veulent dormir en paix, parce qu'elles ont travaillé toute la journée et qu'en rentrant, la fonction du domicile, c'est quand même l'abri, le refuge, et que si ces fonctions-là du domicile sont mises à mal par l'activité qui se situe juste à côté, on est coincé toute la journée peut-être dans un environnement bruyant si cette personne-là travaille dans un environnement bruyant, et le soir, on a envie de se réfugier au calme, et on est bloqué, enfin, on n'a pas de moment de silence, et... Donc voilà, c'est un petit peu ces questions-là qui se posent. Et tu parlais de bénéficier de droits à silence plutôt que... C'est joli comme expression. C'est joli comme expression. Oui, mais c'est un peu ce que la législation, c'est la loi de 1992 a mis en place. Elle a institué un droit au silence avec l'idée que... Que chaque citoyen a droit, c'est aussi l'idée des zones calmes aussi, chaque citoyen a droit à bénéficier au moins dans sa journée de silence pour se reposer, pour exercer des activités telles qu'elles soient. Mais je vais donner la parole aux autres intervenants. Donc Martine Bonnet me fait chier. Oui, je suis intéressée parce que c'est joli le droit au silence. Mais oui, le bruit, c'est la vie aussi, je comprends bien ça. Mais quand je suis chez moi entre 23h et 5h du matin, et que toutes portes et fenêtres fermées, j'habite en plein centre-ville, j'ai de la chance, je peux avoir aussi quelques inconvénients. Donc, je n'aère pas. Bon. Et que je ne peux ni dormir, ni travailler, ni lire, ni bavarder avec des gens, ni écouter ma propre musique, qu'est-ce que je deviens? Et là, il y a un risque, qui est le risque d'avoir une réaction violente. Donc il faut être... Et je vous assure que j'aime la teuf, que j'ai pas envie d'avoir 20 flics par rue, et je vais vous dire, je suis opposée aux caméras de surveillance. C'est une chose que je n'arrive pas. Il faudra qu'on me prouve que ça sert à quelque chose. De toute façon, les caméras, c'est bien pour le bruit. Ça ne sert à rien. Mais une météo des bruits, ça nous aurait intéressé. Mais oui. Mais c'est pas moi qui l'invente, ça. C'est-à-dire qu'on met des capteurs et il y a au moment où on se dit c'est plus possible qu'il y ait, alors je sais pas quelle remédiation, quel type de remédiation, pour dire attention, baissez un peu le son. Mais ce droit au silence, vous ne voulez pas vous présenter là pour que je vote pour vous dès dimanche? Ah oui, ça m'a fait, c'est beau ça, mais c'est vrai que c'est la loi. Juste pour rebondir un petit peu là-dessus, vous avez dit quelque chose qui m'a un petit peu interpellé parce que ça ne correspond pas forcément du point de vue des usagers des bars justement à quelque chose qu'on peut constater. C'est la question de l'aggravation, c'est-à-dire qu'on est quand même, pour discuter quand même avec pas mal de patrons de bars ou de serveurs, il y a de plus en plus de bars quand même à Tours qui ne font plus de concerts. Ça, c'est aussi une réalité où il y a la police qui circule énormément dans les ruelles du Vieux Tours et qui disent, voilà, c'est bon, et dès que la musique est trop forte, ils interviennent. Alors, je suis d'accord avec vous. Il y a concernant... D'abord, tous les bars ne sont pas source de nuisance. Hein. C'est certains bars, c'est toujours les mêmes. Je dirais que sur 153, il y en a 25. Ensuite, oui, mais... C'est bien de dire aussi. Oui, tout à fait. Mais il y a aussi le phénomène des noctambules qui sont de plus... Là, il y a aggravation. Tout le monde dit aggravation des noctambules bruyants qui se comportent dans la rue comme s'ils étaient dans un lieu non habité. Certains pensent, sans mentir, ils pensent vraiment que dans le Vieux Tour, il n'y a aucun habitant. J'ai des étudiants qui sont persuadés qu'il n'y a pas d'habitants. Que c'est seulement des bars et puis la fête, quoi, un quartier festif. Quant à la musique dans les bars, moi je suis complètement d'accord et j'aime ça, mais il y a une obligation, tout le monde doit respecter la même réglementation. Les bars musicaux, ben, il suffit qu'ils s'insonorisent. Ça coûte très cher. Et s'ils ne veulent pas s'insonoriser, ben, ils baissent. Et il y en a quelques-uns qui diffusent de la musique une à deux fois par semaine, et personne ne se plaint. parce qu'ils ont fait des travaux. Et dans ce cas, aucun problème, je ne citerai pas de nom ici, mais je peux vous en parler. Donc vous voyez, c'est pas... Et on n'est pas anti-jeune. Hein. D'abord, ils ont payé nos retraites, donc pas des petits jeunes. Si vous permettez, je vous félicite d'avoir organisé cette soirée, mais je suis navré de constater un certain nombre de carences dans tout ce qui a été dit, et je vais en exposer quelques-unes, si vous permettez. Bon, je fais partie du bureau de la CEPANT, je fais partie du bureau de l'association de protection de la vallée de la Choisille, j'ai même créé une autre association, j'ai arrêté. Je voudrais vous dire en premier lieu que l'aspect juridique n'a pas été abordé et je voudrais l'aborder avec vous. C'est un problème capital. C'est d'un tout autre ordre que ce que disait notre camarade tout à l'heure. Il y a le bruit des enfants, il y a le bruit des adolescents, il y a le bruit des personnes adultes parce qu'elles ont des métiers ou des travaux. Et puis il y a l'âge où on commence à vieillir un petit peu. Après tout, c'est un droit de vieillir. Hein ? Alors il faut toujours les vieux, à commencer par moi. Je voudrais vous dire simplement que sur le plan du droit, il n'existe en France, malgré les simagrées, rien du tout concernant le bruit. Il n'existe en Europe rien du tout concernant les châtiments vis-à-vis du bruit. Et j'en donne un exemple. L'Association pour la sauvegarde de la Choisille a mis... Conseil général responsable de la création du périphérique à la Cour européenne des droits de l'homme. Le Conseil d'État fait beaucoup de baratin sur la protection de l'environnement. La Cour européenne des droits de l'homme fait beaucoup de baratin sur la protection de l'environnement. L'Europe fait beaucoup de baratin sur la protection de l'environnement. Résultat, personne ne marche dans les clous. Autrement dit, on se fout de la gueule des gens. Passez-moi le vocabulaire. Et je serai toujours comme ça. Je ne suis ni mandaté ni par la CEPAN, ni par la SVC ce soir. Je parle à mon propre nom. Et je vais vous en parler de manière très claire, puisque le Conseil général m'a fait envoyer en garderie. Donc je suis derrière les grilles, vous voyez. C'est symbolique. Ça signifie bien ce que ça veut dire. Bien. Lorsqu'on est en présence de nuisances qui rendent fou, je pèse mes mots. Bien que le mot « fou » ne veuille plus rien dire, et qu'aujourd'hui on emploie des mots qui sont des mots calfeutrés, l'insupportabilité de certains types de bruits conduit à des réactions involontaires de violence verbale, pas forcément de violence visible. Et c'est cette violence verbale qu'on envoie en garde à vue. Parce que il faut se dire que quelqu'un qui parle fort peut être quelqu'un de très dangereux, n'est-ce pas ? Classe laborieuse, classe dangereuse, souvenez-vous, de l'assimilation. Alors, pourquoi poser le problème en termes de droit ? Bien parce que le bruit, je ne sais pas ce que c'est. Il y a des types de bruit. Il y a des sources de bruit. Et ce qui serait bon que vous fassiez dans votre carte, c'est une carte des... culpabilité, des responsabilités vis-à-vis du bruit. Et puis il faudrait que vous fassiez une carte des châtiments des responsables. Et là vous auriez partout 0, 0, 0. Or, le mal du bruit ne commencera de s'arrêter que lorsque les associations de malfaiteurs seront punies. Et qui sont les associations de malfaiteurs ? Les élus. Et je pèse mes mots. Vous imaginez un petit peu, je pense à la place Plumeau par exemple, s'il y avait des amendes à faire payer à la ville de Tours pour le bruit place Plumeau, il y aurait moins de bruit. S'il y avait des amendes à faire payer au Conseil général pour la création d'un espace de nuisance dans la vallée de la Choisille, alors qu'il fallait la protéger, il y aurait moins de bruit. Et si on châtiait un petit peu, je parle avec des amendes bien sûr, Tour Plus, le département et la région pour l'aéroport de Tours, et qu'on le déplace à un endroit où il n'y aurait plus de population, ce serait quand même pas plus mal. Autrement dit, le bruit, ça ne veut rien dire. Les décibels, ça ne veut rien dire. Vous savez, vous avez bien noté, 35 décibels, oui, les hommes peuvent vivre à 35 décibels. À 60, on ne peut déjà plus. Mais ceux qui sont responsables des bruits, ils sont malins. Ils n'arriveront jamais à 60. Et je vais expliquer pourquoi. Que fait un géoc pour mesurer le bruit? Les gens se plaignent, il vient avec ses sonomètres, il reste une semaine. Généralement, ça se passe, il y a un bon week-end dedans. Il va bien atténuer les choses. Donc il y aura quelques jours où on va, éventuellement, selon la direction du vent, notez le vent dans vos cartographies. Il y aura, selon la direction du vent, des bruits plus ou moins forts. Bon. Eh bien, je voulais dire, là, mais peu importe. La caisse de résonance que représente, par exemple, la vallée de la Choisille, mais on pourrait dire la même chose, de la caisse de résonance que représente tout le quartier de Tournord par rapport aux avions qui éclatent en hauteur. Je dis bien qui éclatent, parce que quand ça fait du bruit, ça éclate. Puis à certains moments, ça fait plus qu'éclater. Fout tout dans l'air. Donc, on a l'impression que vous êtes au Japon au moment où il y a un tremblement de terre. Ça, il faut le dire aussi. Ah non, mais non, c'est pas excessif. Mais non, j'habite cette... Ma fille habite rue Giraudoux et je vous prie de croire que ça vibre. Bon. Eh bien, allez-y, vous verrez. Ça tue pas. Ben, ça tue pas. Mais bien sûr que rien ne tue. Hein? Ça m'a pas tué d'aller en garde à vue. Bon, alors, le problème du droit, je voudrais le reposer clairement, ce problème du droit. Il faut que ceux qui sont responsables en tant qu'élus puissent être condamnés pour des bruits qui sont nocifs. J'entendais dernièrement une femme africaine qui a réussi à obtenir une écoute, finalement, pour faire reconnaître que l'environnement de la nature était quelque chose de très important pour les droits de l'homme. Pourquoi, dans un pays qui a inventé les droits de l'homme, l'environnement ne serait pas reconnu comme droit de l'homme? Alors, vous savez, j'ai eu des débats importants avec des juges, sur la question du droit de l'environnement et du droit à l'environnement. Bon, on joue beaucoup là-dessus. Mais en réalité, on ne fait rien. Alors comment faudra-t-il faire? Je ne suis pas partisan de la force. Il y a des moments où on n'en peut plus. Le ras-le-bol, ça existe. On l'a vu en Tunisie, on l'a vu en Libye, on le voit partout. Le bruit, c'est la plus grande cause de maladie, je dis bien de maladie, en France aujourd'hui. Avec les effets chimiques sur l'environnement. Bon, la plus grande cause de maladie, évidemment... Ça rapporte au laboratoire pharmaceutique, les tranquillisants, mais vous vous rendez compte? Les somnifères, vous vous rendez compte ce que ça rapporte? La France est le pays qui amuse le plus, qui en vend le plus. Alors, qui faut-il rendre responsable? La sécurité sociale paye, nous payons tous. Moi, je dis qu'il faut s'empresser de faire des lois qui châtient les associations de malfaiteurs. On a bien compris, merci voilà. Beaucoup. Alors du coup, au niveau des législations, c'est sûr qu'il y a des manquements, qu'il y a des limites qui sont assez grosses. Je parlais, parce que vous avez dit qu'il y avait aussi peut-être des carences dans l'exposé. C'était trop compliqué de parler de la multitude de législations en cours. Il y a vraiment un arsenal législatif et pour le plaignant, c'est très compliqué de s'y retrouver. Il doit jongler entre les différents codes, comme je disais. Après, c'est sûr qu'il y a des efforts à faire de la part, au niveau national et aussi au niveau communautaire, au niveau européen, pour regrouper toutes les législations et faire en sorte qu'il y ait des sanctions et que les sanctions soient prises et que les lois soient appliquées, parce qu'il existe des lois, mais c'est souvent qu'elles ne sont pas appliquées. Il y a la loi sur l'air et sur le bruit, par exemple, qui n'est pas appliquée pour le bruit des avions militaires. C'est pareil, tous les arrêtés, tous les règlements ne sont pas appliqués pour le bruit des bars et des discothèques, puisque la municipalité a du mal à se positionner par rapport à une politique coercitive ou plutôt laxiste. Donc c'est assez compliqué de trouver le juste milieu et ce qu'essaient de faire les associations, comme vous par exemple. Et voilà. pour la réponse. Sur la question du périphérique en termes de responsabilité, il y a un truc qui me chiffonne quand même, c'est que la plupart des riverains qui sont contre le périphérique, ce sont des couverts écologistes sur le tard. C'est-à-dire, non mais très, très clairement, c'est-à-dire que ce sont quand même des personnes, et je sais parce que mes parents habitent juste à côté de chez vous, ce sont des personnes qui habitent dans du pavillonnaire et qui veulent juste pas que d'autres habitent dans du pavillonnaire, c'est-à-dire qu'ils veulent pas qu'on construise des infrastructures à côté de chez elles, mais ça ne les dérange pas du tout qu'on le fasse un peu plus loin. Et d'autant plus que la question des zones non habitées, mais c'est un mythe, faire le périphérique un peu plus à l'ouest de Tours, il y aura encore des gens qui vont se plaindre et qui utiliseront la même batterie d'arguments, tout comme pour l'histoire de l'autoroute. Si l'autoroute on la déplace dans le Vouvray, vers Vouvray Mont-Louis, ça va poser des problèmes pour les viticulteurs et puis pour les gens qui habitent dans le coin aussi. Donc la question elle est insoluble et malheureusement on est toujours dans des combats qui sont du toujours un peu plus loin. Et ce qui me chagrine un petit peu dans le combat associatif, notamment sur la vallée de la Choisille, c'est que les solutions prônées, c'est l'éloignement et non pas, notamment, les solutions existent en termes d'aménagement du territoire, des solutions plus générales, qui seraient celui du tram-train, qui seraient celui de tout un tas de dispositifs qui génèrent beaucoup moins de nuisances, mais quel que soit l'endroit où on le met. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Je vais arrêter, je donne une petite réponse. Je voudrais citer un simple exemple. Rueil-Malmaison. Qu'a-t-on fait à Rueil-Malmaison ? Il y a eu des gens intelligents, sûrement haut placés, parce que sinon on ne peut pas obtenir ce qu'on veut. On a agrandi l'autoroute, allongé l'autoroute, je ne sais pas comment il faut le dire, prolongé l'autoroute. Et comment l'a-t-on prolongé ? Non pas en surface. On l'a enterré à deux étages. Un étage pour l'aller, un étage pour le retour. Pourquoi ? Pourquoi y aurait-il une discrimination par rapport aux autres villes de France ? Nous sommes dans le même type de paysage qu'à Rueil-Malmaison. Nous sommes dans le même type de protection de l'environnement. Seulement, voilà, nous avons eu un préfet, oh, je ne dirai pas son nom, si vous voulez, enfin, je le citerai tous depuis le début, si vous voulez, mais enfin, bon, il y en a un particulièrement intéressant qui nous a signé un plan de protection de l'atmosphère. Ce plan de protection de l'atmosphère, au début des études, on s'était absolument remarquable. À la fin, on a deux pages. Ils sont une abomination. Bon, il s'appelait Giraud d'Anglade. Il faut le nommer, parce que je dis qu'il est responsable de ce qui s'est passé dans la vallée de la Choisille. Qu'est-ce qu'il a dit, ce monsieur ? Je vais répondre à mon camarade. Qu'est-ce qu'il a dit, ce monsieur ? Il a dit tout simplement qu'en déplaçant la circulation d'un endroit de la ville à l'autre, eh bien, on n'accroissait pas la pollution. Or, ce monsieur n'a tenu compte ni de l'augmentation de la circulation, ni de la création d'une deuxième zone de pollution permanente pour les générations à venir, ni de la destruction d'un lieu de santé qui était un lieu de santé formidable pour tous les habitants de Tours et qui l'était déjà depuis longtemps. On a tout démoli à Tours. Tout. Tout ce qui était espace forestier, tout ce qui était espace respiratoire, on l'a foutu en l'air. Maintenant, qu'est-ce qui reste ? Il reste de la pollution. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, bon, on met des capteurs, hein, ligaires, mais des capteurs. Il n'y en a pas dans la vallée de la Choisille, mais il y en aura bientôt pour mesurer le degré de pollution. Bon, alors, monsieur a parlé tout à l'heure dans le secteur T de dépassement de dioxyde d'azote, mais ce sera partout sur la ville de Tours. Hein ? Il ne faut pas se faire d'illusions. Tours est asphyxié. Bon, et qui a décidé ? Je pose bien la question. Qui a décidé du nœud autoroutier de l'agglomération de Tours ? Une association de malfaiteurs. Je ne citerai pas leur nom, je ne citerai pas M. Pomereau ni un certain nombre d'autres. Hein. Mais tout de même, M. Pomereau, il n'a jamais répondu à mes lettres. Bon, je dirais que c'est un bougeur. Je parle en propre nom, je ne parle pas en nom de la séparation. Mais je s'estime que les élus qui ne répondent pas aux lettres qu'on envoie aux citoyens. Alors, à force d'envoyer des lettres, à force de participer à des réunions qui mènent à rien, à force d'être crevé par le bruit, surtout quand on ne dort plus, je dis bien quand on ne dort plus, eh bien on devient violent en parole, c'est pas méchant en parole. Et puis peut-être qu'un jour, on ne sait pas ce qu'on fera nous-mêmes, on peut devenir violent en acte, sans le vouloir, sans le vouloir. Alors dire que c'est pas possible de faire autre chose, si C'est toujours possible de faire autrement. On a demandé au Conseil général de couvrir le périphérique. Rien à faire. Bon, pas question. Mais c'est tout le temps des refus de recevoir ce qu'on demande. On en a proposé des solutions. Que propose le préfet pour l'aérodrome? Une extension du périmètre de bruit. Eh bien, avec ça, l'extension du périmètre de bruit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire davantage de bruit, et puis que bon, le périmètre aura été grandi, qu'il n'y aura plus rien à dire. On fout de la gueule. Déjà, excusez-moi, j'ai parlé trop longtemps. Oui. Non, moi je voulais dire, il y en a dans les propositions. Moi j'habite pas très très loin de l'aéroport, de l'école de chasse, de l'autoroute, etc. On nous fait la proposition, les élus nous font la proposition de déménager. Alors je suis très ennuyée parce que j'habite à Tournord et je travaille à Saint-Pierre-des-Corps. Donc je vais devoir quitter et le lieu où j'habite et le lieu où je travaille. Voilà. Donc je rejoins quand même ce sentiment de mépris qu'on peut avoir. Par rapport à des nuisances, bon, alors évidemment, je peux parler plus facilement de l'école de chasse, puisque je la subis au quotidien. On peut dire qu'il y a des quartiers qui servent de, pas de piste, puisque c'est en l'air, mais de circuit d'entraînement pour les avions de chasse, jusqu'à minuit, 1h du matin, etc. Et c'est vrai qu'on se heurte vraiment à des fins de non-recevoir qui sont très difficiles à accepter. Et quand vous dites qu'on vous propose de déménager, on vous achète votre maison, c'est que verbalement, vous dites, c'est élégamment dit, si vous n'êtes pas content, vous allez ailleurs. Vous n'aviez qu'à pas venir là, et je suis désolée, d'abord, il y a des gens qui ne choisissent pas. Alors, le grand argument, c'est déjà, la nuisance était là avant vous. Bon, alors, désolé, il y a quand même des quartiers de Tours qui sont touchés, qui existaient largement avant l'autoroute, l'école de chasse, etc. etc. Hein. Et puis, on ne choisit pas toujours le lieu où on habite, et puis on ne choisit pas toujours le lieu où on travaille. Hein. Donc, je crois qu'effectivement, il y a un moment où ça devient intolérable de n'entendre que ces réponses. Il y a un moment où, effectivement, le bruit, ça nuit à la santé, ça nuit à l'environnement, la pollution atmosphérique, etc. Il va bien falloir que ça soit pris en compte un jour ou l'autre. Et que, je dirais, effectivement, peut-être les élus se mouillent un petit peu plus, enfin, s'engagent un peu plus. Voilà, c'est pas être plus longue. Merci. Donc, Patrice Monnet, vous voulez... J'ai une question qui était un peu la même, en fait. Qui était l'idée... Enfin, l'impression qu'effectivement, on peut vous dire, dans certains contextes, pourquoi vous restez là, ou pourquoi vous ne bougez pas. Et la question, c'était aux gens qui se mobilisent pour essayer de changer la situation, c'est comment, à un certain moment, on décide effectivement de rester, d'essayer de changer la situation et pas de partir. C'est une question qui effectivement, si elle vous est proposée comme une solution qui peut être perçue comme agressive, mais ça peut être aussi pour des gens qui sont mobilisés depuis 10 ans sur un dossier, une vraie question. C'est-à-dire comment on décide de rester là et de dire ben, « je vais affronter la base aérienne et je vais essayer de changer la réalité, je vais essayer de changer le secteur T ». Alors je comprends bien qu'il y a différentes raisons pour... le fait qu'on ne puisse pas éventuellement déménager, mais il n'y a peut-être pas que ça. Ben moi, je peux vous apporter un élément de réponse, sauf si vous n'avez pas terminé. Vous avez terminé? Oui, oui. Un élément de réponse. Si je déménage, déjà, ce n'est pas un acte sans conséquence. Ce n'est pas une décision qu'on prend comme ça. Si je déménage, je résous un problème individuel. Si je reste, je décide d'appréhender de manière collective un problème qui s'impose à tous. Et ce n'est pas n'importe quel problème. Dans la mesure où ce problème lié au bruit est apparenté à un problème, ou peut l'être en tout cas, en matière de santé publique, je pense que la réaction de dire, après tout... je ne supporte plus, je m'en vais. Bon, parfois, ça peut être une solution de survie. Mais je trouve que la réponse, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je pense que d'aborder ça de manière collective, tout à l'heure, quand je faisais référence, nous devons nous poser des questions d'aménagement du territoire et de comment nous voulons occuper la ville aujourd'hui et demain, c'est la poser d'une autre manière. Et c'est la poser en réfléchissant avec la connaissance que nous avons aujourd'hui des méfaits sur la santé, quels qu'ils soient, même si on n'est pas non plus des rétrogrades et des réactionnaires qui refusent et à la fois le progrès et le confort que peuvent nous apporter un certain nombre de choses. Mais il faut toute raison garder. Et quand on voit, et elle nous l'a présenté tout à l'heure, hein, en nous montrant que, même si ça ne se voyait pas trop à l'écran, qu'il y avait des zones où il y aurait des cumuls de nuisances, aujourd'hui, ce débat-là, c'est aussi un débat de quelle société, dans quelle ville on veut vivre demain. Et je pense que ça doit être posé collectivement. Et renvoyer ça à des problèmes individuels, c'est nier tout ce débat-là. Alors après, le fait qu'il n'y ait pas de loi, il y en a un certain nombre en tout cas pour les bruits de voisinage, et c'est extraordinaire. On a tout prévu, le montant des amendes et tout. Ceci dit, bon, ça c'est pas appliqué. Et inversement, on a des grands pollueurs, pollueurs-payeurs. Moi, j'ai jamais été d'accord avec ça, hein, parce que ça sous-entendrait qu'à partir du moment où on a du pognon, on peut continuer à polluer. Non, on est dans une réflexion globale demain, de se positionner. L'être humain, il est sur Terre. Pourquoi ? Bon, là, je déborde un peu. Je suis pas mandatée par mon association pour vous dire ça, mais voilà, c'est un peu le. Ça serait ma réponse. Je sais pas. Peut-être qu'il y en a d'autres qui veulent répondre. Par contre, Sophie Leblanc voulait répondre à ta question tout à l'heure. J'étais juste rebondir par rapport un petit peu au droit au silence. Je parlerais peut-être plutôt de droit au calme, parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose, le calme et le silence. Et justement, la directive européenne de 2002 prévoit dans les plans de prévention du bruit dans l'environnement, un des objectifs, c'est aussi la préservation de zones dites de calme. Donc il s'agit aussi de déterminer à partir de l'outil cartographique, mais pas uniquement, de définir ce qu'on voudra appeler des zones de calme sur l'agglomération, puisqu'en fait la définition reste, il y a une marge en fait qui est laissée à la collectivité pour définir cette zone de calme, ces zones de calme, et ensuite mettre en place des actions pour justement les préserver en tant que zones de calme, un petit peu des îlots de paix, alors qu'ils vont un peu souvent être reliés à des espaces verts. Et on a la chance d'être dans une ville où on est quand même assez bien lotis en termes d'espaces verts. Mais on peut corréler ça avec les niveaux sonores qui sont calculés issus des cartes de bruit. Mais je rebondis aussi sur vos remarques, je trouve tout à fait juste, c'est que un niveau sonore, qu'il soit mesuré ou qu'il soit calculé par une modélisation, ça reste un niveau sonore, ça va pas forcément, c'est pas forcément ça qui va définir la nuisance en fait, en tant que nuisance, puisqu'il faut corréler ça en ressenti, enfin tout ce que vous avez cité, je trouve que c'est assez juste. Pour moi, je pense que dans la définition de ces fameuses zones de calme, il ne faut pas prendre uniquement des critères objectifs, des critères de valeur absolue en décibels. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est en dessous de 55 décibels qu'on est forcément dans une zone de calme. Donc il faut corréler ça aussi avec l'usage du lieu, avec y a un certain nombre de retours d'expérience et d'études qui ont été faites pour justement définir ce qu'on pourrait appeler des zones de calme dans toutes les agglomérations européennes. Et il y a, comme je disais, les éléments naturels qui peuvent contribuer à avoir ce ressenti zone de calme. Il y a l'aménagement de cet espace, il y a tout un tas de choses qui vont contribuer à ce que ça constitue vraiment cette sorte de havre de paix dans lequel on peut venir se ressourcer, même en ville. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même prévu par la réglementation, mais qui, évidemment... comme tout dans ces domaines-là, et en particulier dans l'aménagement du territoire, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et c'est des années, je dirais, parce qu'en plus, on est sur des logiques de négociation, de concertation, etc. Donc ça prend aussi plus de temps, justement, si on veut travailler entre tous les usages qu'il peut y avoir sur la ville. Je dirais que tout ça, ça pose la question du vivre ensemble, en fait. C'est un petit peu le mot qui me vient. C'est le, enfin, surtout quand on parlait des bruits dans les quartiers, tels que Plumereau et les autres, c'est la question du vivre ensemble. Chacun, on vit tous sur un même lieu, chacun a envie d'utiliser ce lieu pour différents usages, et ces usages, à un moment donné, rentrent en confrontation, en contradiction. Donc, c'est ça, c'est effectivement quelle ville on veut faire demain, et il y a des intérêts divers qui sont en jeu, qui peuvent être, c'est-à-dire que quand on dit l'intérêt de la population, pour une partie de la population, ça peut être un intérêt en termes de calme, justement, qu'elle va rechercher. Et puis, pour une partie de la population plus estudiantine, ça va être l'intérêt en termes de festivité, de pouvoir avoir de la vie, enfin avoir une vie assez riche, festive sur sa ville. Et tout ça, c'est, enfin, l'un comme l'autre, c'est l'intérêt de la population, donc de certains sous-groupes, en fait. Donc c'est vraiment la question du vivre ensemble, même sur le bruit routier. Les gens qui prennent l'autoroute, le périphérique tous les jours sont contents de pouvoir prendre l'autoroute et le périphérique. Et je pense qu'il y en a beaucoup parmi nous qui prennent aussi le périphérique ou l'autoroute au moins de temps en temps. Donc voilà, et en même temps, les gens qui sont, eux, les riverains, effectivement, eux, ils subissent ces nuisances-là, qu'elles soient atmosphériques ou sonores. Donc c'est vraiment, on est sur des conflits d'intérêts, quoi, tout simplement. Et je dirais pas forcément entre élus et population, mais déjà même entre des groupes de population. Même soi-même, en tant qu'individu, on peut être soumis à ce type de conflit d'intérêts. Je veux dire, parce que parfois on est usager, on va être sur un usage et parfois on va être sur un autre. Donc, je réponds pas forcément à la question, hein, mais est-ce qu'il y a une réponse? Ça reste à trouver, en tout cas. On peut rester sur ces bonnes paroles, à moins qu'il y ait une autre intervention. Mais c'est fini. Il y a une sorte de cynisme quand même de la part du Tour Plus, une fois qu'ils ont fait les abominations qui ont été faites, de faire faire une carte du bruit. Moi, je trouve ça formidable, hein. Tour Plus, ça n'est pas rien. C'est eux qui ont décidé, avant le Conseil Général, de la réalisation du périphérique dans la vallée de la Choisille. C'est quand même pas rien. Hein? Bon. Donc, il faut quand même regarder les choses en face. Moi, je trouve qu'il y a là un mépris, un cynisme de la part de certains dirigeants. Je ne les citerai pas. Mais regardez mon regard. Non, mais c'est imposé par la loi aussi, hein, de ce que j'ai présenté au départ. Hein, c'est aussi une réglementation qui impose à l'agglomération. Et les contradictions que je citais tout à l'heure qui existent entre différents groupes de population, ou même pour un même individu, elles existent au sein d'une même entité aussi. En 2004, la protection de l'environnement était imposée par la loi. Excusez-moi, on a un peu limité par le temps. Je vous en prie. Simplement, j'ai fini. Moi, simplement pour l'apprendre, je pense que on voit bien à quel point un débat comme celui-ci peut susciter des divergences et à la fois de points de vue et en même temps des convergences. Qui sont soit peut-être des convergences d'intérêts, hein, pourquoi pas, quand vous faisiez référence tout à l'heure au fait qu'il y avait les maisons d'un côté. Je crois qu'il ne faut pas qu'on prenne le problème comme ça, sinon on est mal barré. En même temps, pour terminer là-dessus, je pense qu'il y a quand même, là où il y a une volonté politique de faire évoluer les choses, on constate, sans vouloir pointer les élus comme étant tous des mauvais et des méchants ou des personnes qui ne nous écoutent pas, le courage politique, je vais prendre un exemple tout bête, c'est celui de la rue nationale. La rue nationale, c'était une rue qui, comme son nom l'indiquait, était nationale. Elle passait un sacré paquet de voitures et de véhicules. En son temps, quand il a été question de modifier, de transformer cette rue et de ne plus la rendre piétonne à certains endroits, ça a fait scandale et on disait, mais ils sont complètement fous et c'est complètement aberrant. et voilà. Et aujourd'hui, la rue nationale, je pense que si on la remettait comme avant, il y en a plus d'un qui viendrait râler contre ça, et à juste titre. Et je pense que là, à un moment donné, il y a eu un courage, bon, courage qui était peut-être aidé par une augmentation du trafic qui rendait la traversée de la ville impossible. Et là encore, c'est pour le tout voiture qu'on a décidé de le changer. Mais si on enlève cette observation-là, moi, je souhaiterais qu'on termine là-dessus. Quand on dit c'est pas possible, c'est inéluctable, c'est comme ça. Si on veut continuer à vivre ensemble, il y a la volonté de s'écouter, de s'entendre, difficile de s'entendre par rapport au bruit, mais en même temps, moi j'ai envie de terminer sur cet espoir-là. S'il y a du courage politique, on peut changer un certain nombre de choses, même les choses les plus invraisemblables, celles qui nous paraissent les plus invraisemblables. Et Sophie me disait tout à l'heure, mais qui va payer ? Et je pense que les contribuables que nous sommes, de toute façon, c'est toujours nous qui payons. Et si on ne paye pas par nos impôts, en tout cas, c'est la protection sociale qui le paye, donc c'est encore nous. Et que le coût social et le coût, justement, sur l'environnement, voilà, le coût environnemental, il n'est jamais mis dans la balance. Donc moi, j'ai envie de terminer là-dessus. Il y a quand même de l'espoir, en tout cas moi j'en ai encore, et j'ai pas envie de fuir Tours, parce que je sais qu'ailleurs je retrouverai des choses similaires, et je pense vraiment qu'il faut terminer sur un espoir collectif. Voilà. Merci à vous. Merci de vous avoir invité.